Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette autre jour que tu nous accordes ici à Casablanca. Merci Père de gloire pour ton nom qui est magnifique dans cette maison. Tu as dit lorsque nous entrons dans une maison que nous la saluons. Nous saluons cette maison et tous ceux qui entrent, tous ceux qui habitent au nom de Jésus. Que ta grâce, tes faveurs et tes multiples, ô Dieu de gloire, que tes multiples protections soient sur cette maison et sur ceux de cette famille ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous soumettons à toi maintenant, Père, et nous comptons sur toi pour ce moment où nous allons passer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'écoute mon frère. Question. Ma soeur. Mon gars, non, c'est mon petit. Allez, David. Ok, première question, mon frère. Ouvre la question d'entrée. Bon, moi, c'est par rapport au baptême du Saint-Esprit. Oui. Voilà. Qu'est-ce que le baptême? Parce que j'entends que le baptême du Saint-Esprit, qu'on connaissait, c'était pas ça. Voilà, qu'est-ce qu'on connaissait? C'est qu'on a médité avec mes parents, on a vu que le don, le parent du Saint-Don comme un don. Oui. Comme tout autre don qui n'est pas donné à tout le monde. Oui. Donc. Qu'est-ce que réellement le baptême du Saint-Esprit? Bonne question. Mais directement, dans ta question, pourquoi tu mets directement la relation entre le baptême du Saint-Esprit et le parler à l'âme directement? Parce que c'est ce qu'on avait reçu avant. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? Non, c'est pas ce que la Bible dit. Voilà pourquoi on a médité un peu dessus. Moi, je me dis que le baptême du Saint-Esprit, comme le baptême par immersion, quand on te baptise de l'eau, tu es rempli de l'eau, en fait. On te met entièrement dans l'eau. Et quand tu le sens, il y a de l'eau sur toi. Oui. Donc, je me suis dit, dans le baptême, c'est que si Dieu te baptise de son esprit, il te met comme entièrement dedans. Et quand tu le sens, il y a un fruit, en fait. Oui. Qui va. Il y a ce fruit-là. Oui. Mais je me dis, j'aimerais savoir que penser par rapport à ça. Prends ta Bible. Prends la Bible comme ça, on voit. Pas la parole vivante, c'est bon. Ouvre Jean chapitre 7, verset 37. Mais il y a des versets, il y a des passages qu'on va citer que tu ne trouves pas ici, parce qu'il n'y a pas Ézéchiel ici, par exemple. Tu auras besoin de ça. Ah ouais, ouais. Non, mets toutes les versions ici. Amène ta chaise. On a en assemblée, donc comme ça tu auras besoin de ça. Donc la question c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Allons dans Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tait devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui a placé, qui place sa confiance en moi. Voilà. Alors, le baptême du Saint-Esprit, parce que tout à l'heure tu as pris le syllogisme avec le baptême d'eau. Quand tu es plongé dans l'eau, c'est ton corps aussi qui entre dans l'eau. Le baptême du Saint-Esprit ne concerne pas ton corps aussi. Tu comprends cela? Par exemple, il y a des choses que vous faites dans la cuisine, peut-être les beignets ou il y a le beignet où vous avez les. Il y a des styles de farine, il y a des choses. C'est pas, le poisson, par exemple, fait le poisson, vous mettez la farine là-dessus. Oui. Finissez de faire le poisson, c'est pas, il y a un style de nourriture. Et puis, vous imbibez ça dans la farine. Au point où toute la chose est imbibée de la farine. Maintenant, Dieu dit ici que ceux qui croient en lui, il y a des fleuves de vie qui ont jailli dans la personne, jaillit de l'intérieur, intérieur, pas l'extérieur. Mais là, quand la Bible parle du baptême du Saint-Esprit, il ne s'agit pas de ce corps-ci là, il s'agit de notre corps. Parce que l'être humain est corps, âme et esprit. Mais en fait, quand j'ai dit, c'est que le baptême, on parle de l'esprit, donc c'est voilà. L'esprit. Voilà, il faudrait prendre l'exemple du baptême de l'eau, pour montrer comment ça se passe là-bas. Dans le baptême de l'eau, c'est un être humain qui est censé être plongé dans l'eau. Par cette même chose-là, c'est Dieu qui plonge quelqu'un dans le Saint-Esprit. Le verset 12, le verset 13 du chapitre 12 de 1 Corinthiens, c'est-à-dire le verset 12, 13 du chapitre 12. On y voit. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Oui. Car nous avons tous été immergés dans un seul et même esprit, pour former un seul corps. Voilà. Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous sommes tous abreuvés et imprégnés. Voilà. Alors, ça veut dire que là, on a parlé du baptême du Saint-Esprit, parce que être baptisé, ça veut dire immerger. Mm-hmm. On a été plongé dans le Saint-Esprit sans que tu ne saches comment ça s'est passé. Mm-hmm. Mais c'est Dieu qui plonge. Mm-hmm. Parce que dans Ézéchiel, chapitre 36, mm-hmm. verset 22 à 24, il avait promis qu'il fera que son esprit habite en nous. Mm-hmm. Ça, c'est l'esprit habitant en nous. Mais pendant que l'esprit habite en toi, tu es plongé dans le Saint-Esprit. De telle enseigne que maintenant, ton esprit mm-hmm. est dans l'esprit mm-hmm. de Dieu. Mm-hmm. On parle donc de la renaissance. Que tu es né d'en haut. On dit celui qui est né de l'esprit est esprit. Et celui qui est né de la chair est chair. Mais c'est pour cela que ce n'est que Dieu qui peut faire le baptême du Saint-Esprit. Et quand Jean-Baptiste l'a vu dans Jean chapitre 1, verset 25 et suivant, il a témoigné que j'ai vu l'esprit descendre sur lui. Et celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu donne son esprit à ceux qui sont de lui. C'est à ceux-là qui n'ont son esprit, conformément à Galates chapitre 4, verset 7. Maintenant, le but du Saint-Esprit, ce n'est pas pour manifester les dons. La manifestation des dons, parce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, qu'on ne va pas voir parmi les 9 dons là. Maintenant, ce qu'on a enseigné, c'est que lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, première réaction pour connaître le signe, c'est parler en langue. Cette Bible-ci dit que tous ne doivent pas parler en langue, tous ne peuvent pas parler en langue parce qu'il y a diversité. Donc ça veut dire que les gens ont trompé la façon de pour reconnaître le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi donc on s'est arrêté seulement au niveau du parler en langue? Parce que c'est le plus facile. Parce que quelqu'un s'est mis à faire, je n'ai pas de preuve que c'est vrai ce qu'il a dit ou pas. Par contre, quand on réunit les gens quelque part, on dit que vous allez prier en langue. On prie, tu es là conditionné, il faut que tu parles en langue. Par conséquent, n'importe quel esprit de séduction, parce que tu vois les gens parler en langue. En langue, entre guillemets. Et par contre, quand tu restes là-bas, à un moment donné, tu dis, ma bouche a commencé à faire mes affaires. Tu essaies de te faire convaincre que c'est parce que ça a fait ça seul que tu penses que c'est le Saint-Esprit. C'est pas biblique. C'est pas biblique parce que c'est pas ce que la Bible appelle par parler en langue. Parce qu'on parle de diverses langues, langues étrangères. Maintenant, pourquoi dans les manifestations de tous ces esprits-là, au courant chez les pentecôtistes et les évangéliques, il n'y a que ça qui vient en premier. Il n'y a que ça qui vient en premier. Pourquoi les gens ne prient pas, par exemple, on a besoin de guérison au milieu chrétien. On a besoin de prophéties pour édifier, des directions. Et il y a des pasteurs sorciers au milieu de l'église, des évangéliques sorciers, des femmes sorcières au milieu de l'église. Tout le monde est là, on félicite les sorciers et chacun parle en langue. Comment c'est même cet esprit-là ne donne pas de songes, de visions? Parce qu'il a dit que quand le Saint-Esprit vient d'un jour, je vais serrer mon esprit sur tous chez vos fils et vos filles prophétiseront. Vous avez un genre de vision et vous verrez des songes. Il n'y a pas cela. Et on voit effectivement comment les gens vivent dans le faux dans l'église. Mais pourtant, ils parlent en langue. Donc, il y a une séduction quelque part. Ce qu'on fait là, c'est pas ce que la Bible appelle papa en langue. C'est ça déjà? Tu acceptes ça? Non, je ne parle pas en langue. C'est qu'on fait. C'est pas ça que la Bible appelle papa en langue. Vous êtes d'accord? Si tu n'es pas d'accord, on va dans la Bible arranger ça. Comment ça répond? Papa, tu dis ce qu'on fait. Mary, Popo, tout ça. Oui, ce n'est pas ce que la Bible appelle papa en langue. Il faut d'abord qu'on commence par là. Ok. Ok. Allons-y. Voilà. La Bible appelle quoi? Parler en langue. Ou bien la première fois que la Bible parle de parler en langue. C'est dans Matthieu, Marc chapitre 16, le verset 16 et 17. Lis alors, dans la version parole vivante. Marc chapitre 7. Chapitre 16. C'est vrai que si c'est parler en langue, si n'est pas la langue dont la Bible parle, il y a une séduction. Par contre, l'esprit qui a de parler n'est pas le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Alors, 16, 17, non. Oui. Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. Oui. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les langues nouvelles. Oui. Ils saisiront sans dommage des serpents venimeux. Oui. S'il leur arrive de boire quelques poisons mortels, ils n'en subiront aucun mal. Voilà. Ils poseront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Donc ici se trouve la première fois qu'on allait l'annoncer. Uh-huh. On annonce les différentes choses qui vont marquer la vie des croyants. Ils imposent les mains, le breuvage mortel, le serpent, ainsi de suite. Et puis on dit qu'ils parleront des nouvelles langues. Nouvelles langues. Où est la manifestation de cette danse? Où est la première manifestation? Ça commence où? Il dit, n'est-ce pas? Hein? Mm-hmm. Ça, c'est une promesse. C'est Jésus qui dit. Mm-hmm. La première fois que ça s'est manifesté là, dans l'église, c'est à peine moi. Okay. Allons-y donc. C'est là où ça devient intéressant. Parce qu'on a promis des nouvelles langues. Chapitre 2. Lisons à partir du verset 1 toi-même. Chapitre 2 à partir. Verset 1. Nous sommes dans la version parole vivante. Allons-y. Le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, il vit apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Mmh. Elles se séparaient et allaient se poser sur la tête de chacun des assistants. Mmh. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Nous sommes d'accord que lorsque le Saint-Esprit est venu ici, c'est la première fois qu'ils ont commencé à parler des nouvelles langues. Mmh. Nous sommes d'accord. Parce que chapitre 16, verset 17 a dit, soit les coussins des croyants, ils parleront des nouvelles langues. Mm-hmm. Et ici, mm-hmm. on dit qu'ils parlaient des nouvelles langues comme l'Esprit les donnait, n'est-ce pas? Mm-hmm. À ton avis, d'abord, avant de lire la suite, à ton avis, c'est le style de langue qu'ils parlaient, c'est ce qu'on parle aujourd'hui là? Bon, moi je me réfère à moi-même et mon esprit. Non, ne parlons pas de l'expérience de quelqu'un. Mm-hmm. On va seulement présenter. Quand on dit nouvelles langues, parce que le parler langue qu'on entend aussi, c'est pas des langues, c'est attends, des nouvelles langues. Je ne peux pas appeler ça nouvelles langues. Attends. Attends, d'accord, il dit ici, n'est-ce pas? La question, je l'ai posée sur moi. C'est pourquoi on n'entre pas dans les détails. Je vais comprendre le cas général. Où ça résout tous les problèmes. Mm-hmm. Quand tu lis jusqu'ici, tu penses que c'est quoi la Bible ici? C'est ce que nous faisons aujourd'hui? Si c'est oui, on avance dans la Bible. Si c'est non, on avance. Il dit, n'est-ce pas? Il dit ici. Jusqu'ici, tu t'es arrêté dans ce verset-là. À ton avis, quand on dit, quand l'Esprit venait se poser sur chacun d'eux, il s'est mis à parler en langue comme l'Esprit a donné à chacun de parler. Est-ce qu'à partir d'ici, quand tu lis là, tu t'arrêtes là, tu penses que ce qu'on avait dit, ce qu'ils ont parlé là, c'est la même chose que nous parlons aujourd'hui? Si c'est oui, on avance. Si c'est non, on avance tout simplement. Non, c'est pas pareil dans le sens où c'était, ils disaient quelque chose que d'autres personnes comprenaient. Ça résout le problème. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est écrit ou non? Mais frère, si on dit que c'est des livres, c'est des nouvelles langues. Oui. Ça, la langue, c'est des langues déjà connues. Donc, c'est pas réellement des nouvelles langues parce que. Attends. Parce que les personnes qui étaient là comprenaient ce qu'ils disaient. Ils parlaient en leur langue maternelle, d'autres langues. Donc, ça veut dire que la personne qui parlait ne connaît pas. Non, la personne qui parle, c'est comme ne moi, connaît je pas. Parle français et puis du coup, je commence à parler chinois. Voilà. Donc, est-ce que tu connais le chinois? Je ne connais pas le chinois. Voilà. C'est ça une nouvelle langue. Oui. C'est nouveau pour moi. Oui, et on n'a pas dit que. Je n'ai pas dit que ça sera nouvelle pour l'un, il n'est pas nouveau. Il a dit que c'est une nouvelle langue parce que ça veut dire que ce sera nouvelle pour la personne qui a dit de parler. On est d'accord parce que lui, il parle sans savoir quelle langue il veut parler. Mm-hmm. Mais la personne qui est dans la foule, qui comprend cette langue-là, comprend. Mm-hmm. C'est la promesse que Dieu a donnée. Mm-hmm. La question que je pose, c'est si Dieu a dit et il a fait ce qu'il a dit, nous, ce que nous parlons là, ça se trouve où? Dans la Bible. C'est ça le problème. Ouais. Moi, j'ai envoyé un peu parce que j'ai eu à échanger avec les frères français justement par rapport à ça. Et moi, je n'étais pas trop d'accord. Non, on va arriver parce qu'on est arrivé jusqu'à 1 Corinthiens 14. Oui. On va arriver jusque-là. Parce que moi, j'ai partagé avec ma femme justement sur les paroles. C'est ce que, ce que j'avais compris. La Pentecôte, quand l'Esprit est descendu dessus, on dit que c'est des langues de feu qui sont descendues dessus. Oui. Ils sont tous mis à parler les mêmes langues. Oui. Et quand langue de feu, ça veut dire quoi d'abord? Langue de feu? Oui. Bon, je sais que ça c'est une parabole, c'est pas forcément des langues. C'est pas les langues qu'on parle là. On dit que le feu du en forme de la langue, qui sont apparus sur la tête et tout ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on parle du parlant en langue, même Paul le dit, il dit c'est une nouvelle langue. Des langues qui sont inintelligibles pour l'homme. Oui. Quand on dit l'homme, on ne parle pas d'une nationalité précise. Oui. Inintelligible pour l'homme, c'est toute l'humanité. Oui. Et je prends même l'exemple parce que j'avais eu à partager. Tu peux dire ce que l'apôtre Paul a dit comme ça dans la Bible. Non, il n'a pas dit, que c'était pour toute l'humanité. Non, il a dit que tu as dit que inintelligible pour l'homme. Oui. Il a dit pour l'homme. Justement, il y a un problème. Parce que tu avais dit que c'est inintelligible parce qu'il avait dit là-bas, au milieu de l'assemblée, il m'assoit. Comme il t'a dit maintenant, quand tu te l'as pour le cas de chinois, si on s'assoit là au milieu de l'assemblée, il n'y a pas de chinois ici. Mm. Si il parle, ça serait inintelligible pour toi. Mais si un chinois ici, ça ne serait pas inintelligible pour lui. Pourquoi tu as parlé en chinois? Pourquoi Dieu va te faire parler en chinois alors qu'il n'y a aucun chinois dans la salle? Voilà, c'est ça le vrai problème. Il faut qu'on parte à 1 Corinthiens. On va lire exactement doucement ce qu'il en est. D'accord? Je crois que tu vas prendre. Tu as ta Bible à côté de toi. Ça, c'est complet ou c'est le Nouveau Testament? Voilà, c'est bon. Tout est bon. Ok, c'est bon. Donc, comme ça, je crois que toi, madame, tu dois aussi prendre. T'as pas ta Bible. Voilà. Quand ces choses-là sont révélées dans les Écritures, après, il faut aller au-delà. C'est-à-dire, pas au-delà des Écritures. Se poser la question, d'où vient cette langue qu'on parle aujourd'hui? Parce que Dieu a mis les choses claires dans la parole, c'est que rien ne soit bougé. Mais frère, avant de répondre à cette question, oui, il faut qu'on fasse la différence justement entre le vrai parler en langue et le parler en langue qui n'est pas vrai. Bon, maintenant, comment ça voilà, commençons d'abord. Le vrai parler en langue, c'est qu'elle parle en langue. C'est qu'elle est dans la Bible. Moi, de ma compréhension, de tout ce que je vais méditer, je sais que le parler en langue, c'est une langue qui est exprimée par l'esprit. Oui. Et c'est une langue qui est inintelligible à l'être humain. Quand on dit inintelligible, c'est pas que non, moi je ne comprends pas le chinois, non, c'est inintelligible pour moi. Non, si je me mets à apprendre le chinois, bon, tu me dis c'est une langue qui est inintelligible. Oui. Si moi je me mets à apprendre le chinois, est-ce que ça devient une langue inintelligible pour non, moi? Non, puisque c'est plus un don. Donc, parce que voilà, c'est un don quand tu commences à parler sans avoir appris. Voilà, maintenant, si jamais moi je reçois, comme tu dis, le don, j'ai pas appris le chinois, oui, et que du coup je me mets à apprendre le chinois, est-ce que ça va toujours un don? Non, non, c'est pas un don. Ce qui est sûr, c'est que si tu reçois le don pour parler en langue, ce n'est pas toi qui décides la langue que tu vas parler. Donc si moi aujourd'hui j'apprends d'autres langues. Oui. Non, non, c'est pas un don parce que la langue peut accessible partout. Mais justement, ça vulgarise en fait le don de Dieu. Moi, c'est donc, non, c'est donc pour cela que le parler en langue, c'est pour ça que c'est le plus petit des dons. C'est pour ça que c'est le plus petit des dons. Il y a des questions qu'on va répondre dans la Bible. Mmh. On va voir le pourquoi le parler en langue a été donné. Il faut qu'on lise d'abord la prophétie du parler en langue. Mmh. D'accord? Mmh. On va lire le passage et on va retrouver ça encore dans 1 Corinthiens 14. Mais c'est bon là, on peut s'en occuper ce soir maintenant. Voilà. Donc, si tu dis, si tu exprimes tel que tu as de l'exprimer, ça suppose que d'après ton interprétation, il y a deux styles de parler en langue dans la Bible. Oui. Moi, de ma compréhension, oui, ce qui s'est passé déjà le jour de la Pentecôte, oui, où Pierre a lu quand il a pris la parole, oui, Pierre prêchait et il y a eu 5000 âmes et chacun comprenait ce qu'il disait justement dans sa langue maternelle. Oui. Je comprends cet acte-là par un miracle. Oui. Dieu a ouvert, parce qu'il ne s'est pas mis à parler simultanément, eux tous n'ont pas mis à parler diverses enseignes. Oui. Dieu a ouvert l'entendement de toute la foule pour qu'ils puissent comprendre les merveilles de Dieu dans leur langue. Oui. Ça, c'est un miracle que Dieu a opéré. Oui, mais souviens-toi que ce n'est pas la prédication. Bon, il n'a pas prêché. Quand l'esprit est descendu sur eux, ce qu'ils ont fait, c'est autre chose. Après, ils sont sortis. Voilà. C'est qu'ils sont sortis, qu'ils sont allés prêcher maintenant. Oui. Donc, Pierre a pris la parole devant la foule. Voilà. Là, ce n'est pas en langue qu'il a parlé. Il a parlé en langue, il a crié. Normalement. Frère. Voilà, normalement. D'accord. On ne peut pas le dire à la Bible. Non, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit. La Bible dit quand les gens se sont moqués, il a ouvert la Bible. Il a dit que homme frère, et ils avaient tous ces gens à Jérusalem. Là, il parlait en langue hébraïque. La manifestation a eu lieu parce que les gens voient comment ils étaient dans l'esprit. Ça s'est terminé. La prédication des Actes des chapitres la parole va jusqu'au chapitre 14 jusqu'à 42. Ça ne s'est pas passé en langue. Il n'a pas parlé en langue. D'accord. Il a parlé normalement. Oui, normalement. En langue hébraïque. Absolument. Et Dieu a ouvert l'entendement de toute la foule pour qu'ils entendent justement ce qui est. Et il n'était pas le seul. C'est tous les apôtres qui ont entendu parler. Et chacun entendait justement les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Oui. Moi, je considère cet acte-là comme un miracle de Dieu. Ponctuel et que c'était seulement dans ce cas-là. Voilà, c'était uniquement dans ce cas précis. Oui, et après? Maintenant, après, Paul donne plus de détails sur le parler en langue. Il dit, combien même je parlerai le langage des anges? Il me dira que, est-ce que les anges ont un langage? Ok, ça c'est une autre discussion. Mais Paul explique que le parler en langue, c'est une langue que tu ne comprends pas. Il faut qu'on parle lire tout simplement, c'est mieux. 1 Corinthiens 14. Oui, c'est mieux qu'on lit à partir du verset 1. Oui. On va doucement. 1 Corinthiens 14. Parce que si on continue à lire comme ça, on va prendre chaque fois des extraits de 1 Corinthiens 14. Voilà. Donc c'est mieux qu'on lit tout doucement avant d'arriver. 1 Corinthiens 14. Oui. Dans la version, il est écrit. Il dit cherchez donc avant ça, tout. Ça, c'est quelle version? C'est nouvelle. Français courant, c'est en français facile. Français courant. Allons-y. Il dit cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Oui. Désirez aussi le don spirituel, surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu. Celui qui parle en des langues inconnues. Tu sais, prends autre version. Quand on dit surtout celui de transmettre le message de l'Église, ça n'a pas de sens. C'est chaud qu'on va mettre les policiers là-bas. Parce que la Bible, on utilise un terme pour cela. On dit prophétie. D'accord. Le souci d'expliquer prophétie en disant nous transmettons le message de Dieu. Parce que je suis de prêcher par là le message de Dieu, ce n'est pas une prophétie qu'ils sont de faire. Donc quand il s'agit de dons, on dit prophétie. Quand celui qui fait cela, c'est un prophète ou bien celui qui a le don de prophétie. Il dit parce qu'on a divulgué les choses. Bon, on va mettre les policiers du temple là-bas ou là-bas. Ça pas de... Alors, oui, lis alors. Okay. En effet, non, 14. Cherchez avant tout cet amour, mettez tout votre soin en être rempli. Aspirez cependant aussi aux manifestations de l'esprit et de préférence aux dons de prédication inspirés par l'esprit de Dieu. Ah, mon Dieu. C'est encore très compliqué. Ah, alors, oui, c'est bon. Non, je vous comprenez. Parce que dans 1 Corinthiens 12, on les cite d'innommement. À l'heure donnée par l'esprit, la parole de prophétie, non. Connaissance et autres. D'accord. Lorsqu'on entre dans la définition, parce qu'ici on est en train de dire aspirer surtout. Tu t'entends? Il dit aspirer surtout à la prédication inspirée. Comment savoir que cette prédication est inspirée? Parce que tout le monde prêche. D'accord. Tu comprends pas, n'est-ce pas? Voilà. On est recherché l'amour. Oui. Aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à la prophétie. Second verset. Oui, surtout à la prophétie. Oui. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Amen. Premier point. Oui. Car personne ne le comprend. Oui. Et là, il dit, celui qui parle ne parle pas aux hommes. Oui. On n'a pas dit à une certaine nationalité, on n'a pas catégorisé. Mm-hmm. On dit aux hommes, c'est toutes les races. Oui. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Oui. D'accord. Car personne ne le comprend. Oui. Quand on dit personne, il s'agit encore des hommes. Oui. Aucun homme ne le comprend. Oui. C'est un esprit qui dit ces paroles mystérieuses. Amen. Donc, si moi je parle en chinois, ça ne peut pas être mystérieux s'il y a un chinois à côté. Bon. Donc, il dit c'est un esprit qui dit des choses mystérieuses à Dieu. Celui qui prophétise, au contraire, tu vois, parle aux hommes. Je vais rester jusqu'à ce que tu finis. Quand tu vas arriver au niveau de l'ordre, ça va commencer à buter par rapport à tout ce que tu as définition. Okay. Sinon, on va revenir sur ce que la Bible dit. Oui. Okay. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Oui. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ah, je vais commencer à t'arrêter. Il parlait, quand on parle là, on parle à qui? On parle à Dieu. Comment on s'édifie donc? Justement, le fait de parler en Dieu, c'est les merveilles que tu es là. Le merveille de qui? Du Seigneur. En quoi les merveilles du Seigneur t'édifient? Et quand tu lis la Bible, en quoi la Bible te purifie? Par exemple, je vois qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Je range ma vie. Si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, et commet adultère avec elle, je me méfie. Donc ça m'édifie. Mais le Seigneur dit dans sa prière sacerdotale que Seigneur, c'est ta parole qui est la vérité, c'est ta parole sanctifiée. Oui, je parle, c'est un endroit. Ouais. Sanctifier, ça veut dire nettoyer, mettre nettoyer, la parole. Ouais. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Ouais. Ça veut dire que quand il fait comme ça, je suis nettoyé. Donc désormais, j'évite de dire le mal. Parce que la Bible m'a nettoyé, m'a interdit de le dire. D'accord. Mais maintenant, tu as dit en haut, suis attentivement. Que c'est pas toi qui as dit, c'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. C'est pour ça qu'il faut mettre tout ça en amont jusqu'au verset 20, jusqu'au verset 26. Yeah. Il dit, celui qui parle en langue, c'est solennel, ne parle pas aux hommes. Parce que c'est un esprit qui dit des mystères. Voilà. Il ne parle pas aux hommes. Or, lui-même, il est concerné. Il est un homme, la personne qui parle. Subitement, ici, le Saint-Esprit dit, il a des comparaisons entre la prophétie et le parlant en langue. Il dit que celui qui parle en prophétie, prophétise, c'est ce qu'il va dire par la suite, là-bas, verset 3. Il va dire qu'il parle aux hommes, les édifie, les console, tu vois. Alors que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. La question que je pose, c'est, quand il parle à Dieu, en quoi est-ce que ça l'édifie? Parce que celui qui va parler aux hommes, tout en parlant à la prophétie, comment il va. Parce qu'on dit les console, les exhorte. Donc, parce qu'il parle, ça peut être de quoi alors? Et en faisant ça, les édifie. Comment? Toi qui parles alors, si tu suis la question et que tu n'as pas encore la réponse, tu avances dans la lecture. Parce qu'il dit tout à l'heure, on va lire au fur et à mesure. Après, on va faire le résumé pour le continuer. Donc, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les encourage, les reconforte. Donc, tu vois que quand on parle à quelqu'un, on l'édifie. Celui-ci, la langue, d'après ce qu'on a lu au verset 2 en haut, parle à Dieu. On dit que quand il parle à Dieu, il s'édifie lui-même. D'accord? Allons-y. Très bien. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. L'Église, oui. Très bien. Je disais que vous parliez tous en langue, oui. Mais encore plus que vous prophétisiez. Oui. Celui qui prophétise est plus grand et plus important que celui qui parle en langue. On est d'accord, n'est-ce pas? Bon, maintenant. Suis attentivement sur ce rapport. Quelqu'un est censé déclarer le mystère de Dieu. Ça descend à Dieu dans une langue spirituelle. Mais subitement ici, on dit que celui qui parle aux hommes pour les édifier est plus grand que celui qui parle en esprit, en déclarant les oracles de Dieu. Comment tu comprends? Je comprends que la parole du Seigneur s'accomplit. Dieu dit les dons ont été donnés pour l'édification de l'Église. Oui. Ce don que tu as de parler en langue, tu t'édifies toi-même. Oui. C'est bien, tu t'édifies, tu te fortifies. L'homme intérieur se retrouve fortifié parce qu'il adresse des merveilles au Seigneur. Oui. Mais le fait de prophétiser, tu édifies l'Église. Et c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on s'édifie par des cantiques, qu'on se soutienne. Non, le fait de prophétiser, tu édifies par des oracles du Seigneur. Oui. Tu reconfortes par la parole que le Seigneur donnera. Et c'est des choses qui édifient l'Église. Donc sur ce rapport, la prophétie est plus grande que parler en langue. Donc le parler en langue, c'est le plus petit des dons. En quelque sorte, on dira ça. Non, avançons dans la lecture. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Ok. Allons-y, explique-moi Parce que normalement, il est censé parler à Dieu. Oui. Allons-y, maintenant, s'il y a l'interprétation. S'il y a l'interprétation, c'est un autre don de l'esprit. Non, non, sinon, je ne parle pas de l'interprétation. C'est qu'il a parlé en esprit. Maintenant, on interprète. Ça suppose que ça devait être accessible au sort de l'église. N'est-ce pas? Ouais. Maintenant, je prends un exemple simple. Dieu est merveilleux. Il est grand, il s'étend en âge, dans son amour est pour toujours. Ça, il dit ça en esprit, personne ne comprend. Quand il finit de dire ça en esprit, quelqu'un se lève et dit que il est en train de dire que Dieu est merveilleux. Il est en esprit haut là-bas. Mais nous sommes censés nous adresser à Dieu. Comment se fait que l'assemblée est édifiée? Comment? Ça, c'est les choses qui se passent spirituellement. Quand on le sait. Je ne peux pas. N'est-ce pas, vous comprenez, non? L'assemblée est édifiée parce que quelqu'un a pu comprendre ce que la personne. Donc, et il comprend, entend la parole, il peut être édifié. Et en plus de cela aussi, en plus de cela, c'est les merveilles qui sont, c'est une adoration qui lui révèle. Sinon, la Bible dit que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Donc si tout, c'est d'ici l'assemblée sort aujourd'hui que c'est qu'il est en train de dire que c'est un esprit qui s'exprime, parce que c'est l'esprit qui soupire, qui parle au Père par les soupirs inexprimables. Donc ce qu'il dit, ça touche directement le Père. Donc du coup, si c'est les prophéties qui ont une interprétation et qu'on comprend cette interprétation là, nous sommes tous édifiés. Amen. Continuons. Très bien. C'est mon frère. Celui qui prophétise est plus important. Et maintenant, frère, une édification. Non, pardon. Et maintenant, utilité... frère et soeur, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Oui. Je continue. Continue seulement, il continue parce qu'on va. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux? Si la trompette rend un son confus, que c'est préparé au combat, il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? Stop. Il veut que tu me dises ce qu'on a de lui dire. Ce qu'il veut dire là maintenant. Bon, sur ce verset-là, oui, c'est ce que tu veux. C'est tout ce qu'on vient de lire. Bon, il dit déjà que si un objet inanimé rend un son qui rend un son qui n'est pas distinct, qui n'est pas distinct. Comment on peut discerner justement mais voilà, mais moi je comprends par là que il est en train de dire que l'oreille qui écoute le parler en langue, s'il ne comprend pas c'est comme un son. Si moi aujourd'hui je joue d'une flûte, tu ne peux pas savoir que c'est une flûte que je suis en train de jouer. Bah, si jamais c'est le signal par exemple pour une guerre, si tu ne comprends pas, si le son de l'instrument n'est pas distinct, tu ne sauras pas, donc tu ne pourras pas te préparer. Il faut que ce soit distinct. Il faut que ce soit distinct, il faut que tu saches que voilà, c'est le signal ou c'est le bruit de la flûte qui est censé, c'est ce qu'il dit ici. Oui. Et puis il dit que quand les gens donnent une parole, continue, il en va de même pour vous. Il en va de même, oui. Voilà, si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? Allons-y, comment saura-t-on ce que vous dites? Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu peux parler en langue, mais le langage que tu vas utiliser ne sera pas intelligible pour les autres. Donc forcément ils comprendront pas. Oui. Mais là encore, quand on remonte, voilà, là encore quand on monte, mais ça revient à la même chose que c'est pour l'édification personnelle. Mais quand il parle de l'interprétation, il dit s'il y a quelqu'un qui interprète, ça sera bon pour tout le monde. Mais s'il y a personne pour interpréter, ça ne sert à rien que la personne parle à haute voix dans l'assemblée. Oui. Continuons. Dites en effet, vous parlez en l'air. Oui. Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle. Il faut que tu m'expliques, mon frère. Là, de ma compréhension. Le thème, c'est qu'il a parlé. Oui. Il parle de langue spirituelle. Il parle de don spirituel de parler en langue. Oui. Et ici, il parle de quoi? Là, il donne justement de ma compréhension, il donne une explication en utilisant une métaphore, voilà, pour comprendre que l'être humain, il prend l'exemple, par exemple, si vous parlez un langage spirituel, il ne comprend pas. Il leur dit, bon voilà, sur cette terre, vous avez plusieurs langues. Oui. Mais si quelqu'un parle une langue que les autres ne comprennent pas, d'après ce que je comprends, que si quelqu'un parle une langue sans que quelqu'un puisse l'interpréter, à quoi ça sert-il? Donc, du coup, l'assemblée sait immédiatement que voilà, si quelqu'un parle en chinois que je ne comprends pas, là, il utilise un langage spirituel pour expliquer la vérité spirituelle. Okay. C'est ce que Paul est en train de faire. Attends, c'est ce que tu as compris ici, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai compris. Tu veux que tu prennes le bic, tu mets un crochet là-bas. Parce que quand il va conclure tout à l'heure, là, on va y revenir. Non, c'est bon, j'ai le verset. Tu as le verset. Allons-y. Donc, d'après ce que tu as dit, il va expliquer ça calmement. Tu en avais dit, il va expliquer que comme le langage spirituel est incompréhensible, de même, par exemple, comme on a plusieurs langues sur la terre, si par exemple, tu viens parler le baolé au Cameroun et qu'il n'y a personne pour comprendre, malgré qu'il y ait le baolé existe quelque part, ceux-ci ne comprendront pas que ça veut dire quelque chose. Mais pourtant, ça a une signification quelque part. C'est ça que tu en avais dit, non? Ouais. Ok, allons-y. attends, je suis où pour respirer au temps spirituel? Avec une autre, elle ne peut le signifier. Mais pas le verset 10 déjà? Non, non, là je suis le 11 maintenant. Il dit, si donc, je sais réveiller. Il dit, si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle. Oui, et lui-même. Et celui qui parle sera un étranger pour moi. Donc c'est toujours dans l'optique de ton exemple. Voilà, donc toujours dans l'optique d'expliquer que voilà, si tu parles en langue que l'autre ne comprend pas, tu seras. Vous n'allez pas vous comprendre. Tu, voilà. Après, il dit, vous de même, puisque vous aspirez au don spirituel, cherchez à procéder avec abondance ce qui édifie l'Église. Oui. Il dit après, c'est pourquoi celui qui parle en langue prie afin de pouvoir l'interpréter. Stop. Ce commandement-ci, est-ce que les gens comprennent cela ou bien aujourd'hui, ceux qui parlent en langue ont compris ça? Non, déjà pour l'interprétation, puisque là, il donne une directive que celui qui parle en langue va prier pour que le Seigneur lui donne aussi la capacité de pouvoir interpréter ce qu'il dit. Tout ça dans le but de pouvoir édifier l'Église. Oui. Tout ça dans ce but-là. Donc celui qui parle en cette langue qu'on parle là, est censé avoir les. Le don d'interprétation s'il le demande. Oui. Non, non, il faut, parce qu'il faut qu'il le demande. Oui. Ok, continue. Voilà. Donc je ferai interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Amen. Mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il a lui dit? Il est en train de dire que l'intelligence ne comprend pas. Il ne peut pas discerner les mots qu'il est en train de dire. Mm-hmm. Parce que c'est des choses qui sont dites spirituellement. Mm-hmm. Et ça c'est dans, dans le carnaval où tu as lui dit que le parler en langue, c'est pas la langue comme on comprend. Parce que quand il parle dans cette langue-là, l'intelligence ne connaît pas les mots qu'il va prononcer. Exactement. Donc, que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des saints auditeurs pourra-t-il comprendre et répondre Amen? Oui. Ok, frère. Oh, oui. Comment l'auditeur pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Oui. Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Oui. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Oui. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, un esprit aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Voilà. Qu'est-ce que l'apôtre Paul lui dit concernant lui-même? Il dit personnellement, il préfère comment dire ça. Non, il dit que par rapport à son propre expérience, il dit quoi? Il dit que. Il dit que Dieu parle, qu'il parle plus en langue que. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va. Il parle. Il tue dans la langue. Oui, tout ce qu'il dit là, il a 10 000 paroles. Donc, c'est-à-dire que lui, son vocabulaire est plus. Plus c'est ce que je comprends. Non, non. Ok. C'est ça, est-ce qu'on a reçu. Non. On va justement, je sais où. Vous savez quoi, chaque fois qu'on parle de parler en langue, on prend plutôt le verset et on parle. J'ai laissé exactement pour que tu dis du début jusqu'à la fin parce que c'est lorsqu'on va coincer qu'on va revenir maintenant, on va saisir. Okay. Donc, ça veut dire que dans le vocabulaire, d'après ce que je comprends, dans le vocabulaire de Paul, il avait beaucoup de langues plus que les autres. L'apôtre Paul avait-il parcouru toute la terre pour savoir si les autres ont moins de vocabulaire que lui, mon cher, en disant, en comprenant comme ça? Non. Comment donc pouvait savoir donc qu'il parle en langue plus que eux tous? Mais quand il disait eux tous, il parlait de l'assemblée. Il parlait, plus là il est en train de s'adresser aux Corinthiens. Ah, donc maintenant, c'est vrai, on dit que si un homme vient maintenant, il parle en langue, tout à l'heure tu as dit que quand il parle de l'homme, il parle de tous les hommes sur la terre. Non, là c'est très spécifique. Là il est en train de s'adresser. Il dit. Parce que tout à l'heure, là, il a dit que si je suis quelque part, par exemple, il parle en langue, quel qu'en soit le cas, si un homme, si ce n'est pas compréhensible, un homme ne peut pas être édifié. Ceux qui ont sa réputation ne comprennent pas. Et là, tu as dit que si l'homme, c'est par exemple, c'est l'homme qui. Dans le verset 19, il dit, mais dans l'église. Oui. Là, il parle dans l'église. Oui. Il dit, j'aime. Il y a deux choses qu'il a dit. Il dit que je rends grâce à Dieu que l'esprit parle en langue plus que vous tous. C'est-à-dire que pour tous les. C'est-à-dire qu'il connaissait tous ceux à Corinth qui avaient le don spirituel. Au point, il savait que celui-ci ne parle pas en langue plus que moi. Celui-ci ne parle en langue plus que moi. Il a dit, ouais. Oui. Non, ça veut dire que c'est au niveau du vocabulaire, c'est le nombre de vocabulaire qu'il avait dans sa langue, il les a comparés aux autres. Bon, pas qu'il a comparé, peut-être que c'est une révélation qu'il a reçue du Seigneur. Okay. Là, voilà, on ne peut pas. Oui, on ne peut pas conclure, avant ça. Il dit, frères et sœurs, ne raisonnez pas comme les enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés. Maintenant, écoute, on a d'aborder maintenant là où, ici, ça ferme toute contestation. À partir de cet endroit-ci maintenant, ça va fermer toute contestation sur le parler en langue. Et c'est là où Dieu a mis la chose, d'accord? Pour qu'il n'y ait pas des. Soit concentré, mais parce que ici, il y a la réponse. Allons-y. Il dit, frères et sœurs, ne raisonnez pas comme les enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés. Mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Oui. Il est écrit dans la loi. Stop. Il fait référence à un passage de l'Écriture pour dire, parce que ce qu'il a dit, il a voulu soutenir ce qu'il a fait de plus. Il cite maintenant dans la loi que ces choses sont prévues dans la loi. Nous sommes d'accord. Lisons maintenant ce qui est écrit dans la loi. Il dit, c'est par les hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Regarde-moi maintenant. Je veux que tu me dises ce que le prophète avait dit maintenant. Là, ce que le prophète de mettre à cette place. Ou bien tu prends aussi. C'est par des lis dans la version. Par des hommes d'une autre langue. Oui. Écoute-toi attentivement. Par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Voilà. Attends, on lit dans la version parole avant qu'on dise. C'est pour ça que 14, verset 21. Suis attentivement avant que vous le lisiez. Dieu a mis des choses dans la Bible pour que même s'il y a des interprétations humaines, que sa parole reste sans bouger. Parce que toutes les autres choses qu'on dit que non, je parle à l'esprit, mon intelligence est divin, c'est-à-dire ainsi de suite là. Là, on peut donner n'importe quelle interprétation. Mais à l'instant où quelque chose est positionné comme pilier, on ne peut plus bouger. Il est dit dans l'Écriture, oui. Même si je parlais à son peuple dans une langue étrangère, oui. Par les lèvres d'étrangers, il ne m'écouterait pas, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Maintenant, regarde-moi maintenant. Dans quelle parole de l'Écriture il dit ça? On dit ça. C'est-à-dire que ce qu'il va pas prendre de citer, parce qu'il est écrit dans Ésaïe 28. Ésaïe chapitre 28. Allons-y maintenant dans Ésaïe chapitre 28. On va lire ce qui est écrit. C'est là, c'est ici que ça arrête toute contestation avec le parler en langue. On va prendre ce que ça dit. Ésaïe 28, verset oui. 11 à 12. Maintenant, avant cela, prends à partir du verset 7 pour comprendre ce qui a amené à ce que Dieu prophétise le parler en langue. D'accord? À partir du verset 7. Il dit, mais eux aussi, ils tuent sous l'effet du vin. Oui. Ils ont le cœur fort, les égards. Oui. Prêt. Tu comprends pourquoi quand ils ont commencé à parler à soulever dans l'esprit, ce sont les juifs. Il commença à dire, tu dis, continuons. C'est une prophétie. Oui, c'est une prophétie. Sous l'effet des liqueurs fortes, oui. Ils sont troublés par le vin. Oui. Ils s'égarent à cause des liqueurs fortes. Oui. Ils titubent en prophétisant. Oui. Ils vacillent en rendant leur verdict. Oui. Toutes les tables sont pleines de vomissements infects. Oui. Il n'y a plus aucune trace intacte. Oui. Ils disent, à qui veut-il enseigner la connaissance? À qui veux-tu faire comprendre son message? Oui. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés? Oui. Qui viennent de quitter la poitrine de leur mère? En effet, c'est ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle. Tu entends ce qu'il dit? Donc Dieu a prophétisé qu'en réalité, il y a tellement de bouleversements en Israël au point où on ne sait plus quelle est la loi. Il dit que c'est ordre sur ordre, précepte après précepte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque ce moment de manifestation va avoir lieu, il y aura chaque dénomination. Ordre sur ordre. Donc, il y avait les pharisiens ici, de ce côté-ci, ils ont ces préceptes qu'il a fixés. Il y a les sadducéens de ce côté-ci, il y a les préceptes au point où toutes les tables sont pleines de vomissus. On ne sait même plus à qui vraiment on peut aller. Dieu nous dit, dans ces conditions, il va devoir parler autrement. Continuons. Eh bien, oui. Par des hommes aux lèvres balbutiantes et oui. Par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Il a prophétisé. L'apôtre Paul dit donc, en plaçant cela dans les Écritures, il dit que c'est par les langues balbutiantes et par les langues, dans ta version, on dit dans les langues barbares. C'est ce qui est écrit dans le livre dans le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel a parlé des langues barbares que je parlerai à ce peuple ici. Allons-y, dans rentrons dans 1 Corinthiens 14. Il dit merci au Seigneur pour cela. Rentrons encore là-bas, verset 21. Le 21, donc, il est écrit que c'est par les hommes d'une autre langue et des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et donc, même ici, il dit que c'est par les hommes de notre peuple et par des langues étrangères. Que je parlais à ce peuple, parce qu'il utilise la langue hébraïque d'abord pour leur parler. Jusque-là, il y a des désordres. Il dit que c'est une autre langue qui va le cacher maintenant. Les langues étrangères d'un autre peuple. C'est pas ce qu'il écrit, frère. Allons-y, disons, continuons. Par conséquent, les langues sont un signe. Stop. Non. L'apôtre Paul, après avoir mis, c'est Master Chan de suivre. Après avoir mis qu'il est prévu dans les écritures ici, quand il dit par conséquent, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Donc il donne une conclusion. Une conclusion. Donc il dit par conséquent, les langues, donc de toutes les façons, il allait traiter ces cas là-bas. Comme la langue vous dérange, il faut que vous compreniez donc à quoi servait cette langue. Quelle était la nature prévue dans les écritures ici? Et par conséquent, les langues. Et parce que dans cette prophétie d'Ésaïe 28 là, c'est une manifestation de l'incrédulité d'Israël. Parce qu'Israël n'a pas. Il a donc dit, ok, même quand je vous ai parlé à votre langue, vous ne comprenez pas, c'est par la langue d'un autre peuple, le peuple baba, que je vais vous parler. Et jusque-là, même là, vous n'allez pas croire. Et donc, la peuple croit, il conclut que par conséquent, les langues dont vous allez parler là-bas, c'est un signe pour les non-croyants. Alors, je pose encore la question, de quelle langue s'agit-il alors, mon frère, dans ce cas? Bon, oui, peut-être, il faut qu'elle dise. D'après cela, ces langues étrangères souvent conduit les auditeurs à la foi. À la foi, ça veut dire que ce manque de croyance, en fait, c'est une autre façon d'expliquer l'incrédulité. Parce que si on parle de ceux qui croient. Mais elles sont un signe du jugement de Dieu et elles le laissent dans leur incrédulité. Amen. Donc, en fait, c'est un peu amplifié là-bas, mais je recommence la conclusion maintenant à partir d'ici. Elle concerne non pas les croyants, mais les incroyants. Voilà. Les messages inspirés, par contre, sont destinés aux croyants. Bon, ça, c'est le deuxième volet par rapport aux prophéties. Regarde maintenant. Quand tu dis donc les messages, dont les langues sont un signe pour les. Les incroyants. Les pasteurs disent que le parler en langue, c'est un signe pour. Les croyants, les parents sont baptisés du Saint-Esprit. Et la Bible, elle dit que c'est un signe pour. Les incroyants. Il y a un problème avec nos compréhensions. Comment encore? Viens ici, ma soeur, tu vas où? Non, ne prends pas de viens ici, on va parler. Je veux qu'on parle jusqu'à la fin, d'accord? Parler, je recommence encore. Et la démonstration qu'il a prise de l'œil, c'est pour ça que j'ai aidé à laisser le livre, parce qu'on va lire dès le départ. Parce que chaque fois, vous allez voir que quand les gens, même ceux qui sont pour ou contre, font cette même erreur-là, en prenant un verset, on dit verset 4, que ceux qui parlent pas là, ils disent des mystères. Comment on dit des mystères? Si tu arrêtes là-bas, ça ne doit pas aller. Lis toute la chose parce que c'est tout juste une explication qu'il a de faire jusqu'à la fin. Et ici, il dit par conséquent, nous donne clairement ce qu'il en est. Et il met le contexte de Ésaïe chapitre 28 dans le contexte de cette langue en disant que par conséquent, cette langue s'est faible. Il dit d'après les écritures, c'est prévu pour être un signe pour les. Donc, or, ce qu'il prend dans Ésaïe, c'est la langue clairement que tu as prophétisé que c'est comme la langue des peuples. Et donc, tu ne peux pas disjoindre donc Actes chapitre 2 que Actes chapitre 2 est seul et 1 Corinthiens 14 est seul parce que c'est la suite de la chose que l'apôtre Paul a de parler. Et autre chose, c'est que c'était les types de langues différentes, les choses qu'on devait écrire avec les langues. Parce que dans la Bible, langue c'est l'alléo. Les différentes choses qu'on a envie de parler c'est l'alléo par exemple. Chaque fois qu'il y aura parler, pour parler de l'alléo, c'est la même chose qu'on va écrire dans le même grec. C'est les mêmes mots qui sont écrits pour langue de l'autre côté là-bas, dans Matthieu, dans Marc qu'on a lu, dans Actes des Apôtres et dans 1 Corinthiens 14. Donc c'est le même sujet qu'on a envie de traiter. Donc, je peux alors dire que le parler en langue des Actes des 2 est différent parce que c'est la manifestation même de la première raison du Saint-Esprit. Maintenant. On va faire un halt en rentrant par derrière, d'accord? Et nous allons faire un halt. Viens alors. Quand on va finir tout ceci, quand on va finir ceci, vous allez fermer, je vais vous dire maintenant d'où la langue s'y vient, c'est qu'on parle aujourd'hui. Oui. Par rapport à ce qui s'est passé à la Pentecôte. Oui. Donc, Dieu a permis ça pour que les incroyants, ceux qui étaient incrédules, puissent croire, vu que c'était une prophétie déjà. Non, c'est pas comme ça. C'est pour faire justement que ceux qui n'avaient pas cru quand ils parlaient normalement puissent ne pas comprendre. De comprendre pour que les païens croient. Pour que les païens croient. Donc, si je comprends bien aujourd'hui, si on veut, on va dans ce sens. Oui. Aujourd'hui, un chrétien converti, Dieu peut l'utiliser, lui faire parler une autre langue pour qu'une personne qui ne comprend pas la langue le français puisse comprendre. L'évangile, même à son côté, c'est exactement ce que l'apôtre Paul disait. Ça, le parler en langue, c'est normal. C'est exactement ce que l'apôtre Paul disait. Non, moi, je pas. Non, non, attends, j'arrive. J'arrive. Non, c'est exactement ce que tu en as dit. C'est ça. Là où on est. C'est ça. Maintenant, suis attentivement, n'est-ce pas, frère? Parce qu'on a dit que c'est un don. Tout à l'heure, là, tu as dit, à Actes chapitre 2, c'est parce qu'à la Pentecôte, il y avait toute une famille là-bas et que Dieu a voulu ça de façon exprès pour que ça soit comme ça. Je te pose la question. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit, enfin, c'est la première manifestation là-bas. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit dans Actes chapitre 8. Samarie, dans le chapitre 10 chez Corneille. Je voulais parler de ça justement. Je voulais parler de cela. De Corneille. Oui, alors je pose la question d'abord chez Corneille. Chez Corneille, le parler en langue qu'ils ont fait, c'était différent de chapitre 2. Bah, si je me base sur ce que tu viens de dire là, que le parler en langue justement c'est pour les incroyants. Oui. Chez Corneille qui était incroyant. C'est justement ça le vrai problème. Les incroyants dans la Bible est typifié pour les juifs, c'est pas les gens du monde. Mais chez Corneille, il n'y avait que la famille de Corneille. Il y avait les juifs justement parmi. Et quelques romains avec eux. Non, pas les romains, ce n'est pas les romains dont il est concerné. C'est les juifs. C'est pour ça que chaque fois donc, que tu vas voir qu'il y a le parler en langue manifestée, il y a le juif de côté. Si tu veux, maintenant, on y va maintenant. Attends, suis attentivement. Chaque fois que tu vas voir que lorsque le Saint-Esprit a été. Les gens ont été baptisés au Saint-Esprit et qu'ils ont parlé dans ces langues-là, les juifs sont à côté. Quand il y a baptisé le Saint-Esprit sans cela, il n'y a que les autres peuples, les gens du peuple. Il va encore recommencer, que tu vois. Acte chapitre 2. C'est pas quand ces langues-là, quand les langues sont données, parce que les gens, chacun, au moins 15 nationalités, entendent les différentes choses dans cette merveille. Au chapitre 10, donc, chez Corneille, Pierre était là-bas, ils étaient 7 qui étaient des juifs. D'accord. Et le Saint-Esprit est venu, l'apôtre Pierre, maintenant, dans sa prédication, enfin, lorsqu'il est rentré à Jérusalem, on lui a fait des reproches d'être entré chez les Juifs et de manger, chez les païens et de manger. Il s'est mis, la Bible déclare qu'il s'est mis tout à coup à aller expliquer ça de façon suivie. Il a parlé depuis quand il était à Jopé, et puis on l'a envoyé chercher. Il dit que lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux, puis dit, comme sur nous, on commence. Donc il vient de dire clairement que ce qui s'est passé à chapitre 2, c'est passé à chapitre 10. Donc ça dit que à chapitre 2 n'est pas un cas isolé, et c'est pas différent. Et s'il dit ça, parce qu'il a dit, chapitre 10 dit, verset 45, que quand Pierre, pendant qu'il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutent la parole, il fut respecté, le Saint-Esprit s'est mis à parler en langue. On dit, les fidèles circoncis, les fidèles circoncis. Donc dans cette maison, il y avait deux groupes. Les fidèles circoncis qui étaient descendus avec Pierre là-bas, furent étonnés de ce que le Saint-Esprit était se donné aussi aux païens. Donc ils ont vu. Et peut-être on refusait le baptême à ceux qui étaient reçus, baptisés comme nous aussi. Maintenant, quand l'apôtre Pierre dit qu'ils ont été baptisés comme eux au commencement, comment il a fait pour savoir que la même chose qui s'est passée, qu'il n'y a pas de n'est pas un brouillard ou bien quoi que ce soit. Comment il a fait pour savoir que cela se passe? Parce qu'on a dit qu'il parlait en langue et il prophétisait. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Voilà ce qu'il en est. Voici l'apôtre Paul dans chapitre 19 maintenant qui rencontre en Asie là-bas les disciples de Jean-Baptiste qui étaient environ 12. Il dit, mais vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit, non, on n'a pas entendu. Après, ils étaient baptisés, ils ont mis le Saint-Esprit. Ils ont commencé. Ils ont. Non, ils ont commencé à parler. Et. Ouvre chapitre 7, 19, versets 5 et 6. Alors, c'est pour ça qu'il pose la question stratégique dès le départ. Donc, d'après toi, chapitre 2 était spécifique. Tu as dit oui. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes pensent faire cette erreur-là, que chapitre 2 était autre chose. Et dans 1 Corinthiens, on a même expliqué autre chose. Parce que là, on a commencé ici dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, que nous avons tous été abreuvés dans un même esprit. Ça veut dire que le don spirituel, c'est le don de guérison, c'est le même don de guérison. C'est le même don de guérison que quelqu'un a quelque part depuis le temps lancé. Chapitre 19, donc verset 5 et 6, directement. Pour qu'on ait... Chapitre 19 de Actes des Apôtres. Ne fais pas 1 Corinthiens 14, ça n'a pas encore fini. 19, 5 et 6. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur. Jésus, lorsque Paul posait la main sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et se mit à parler en langue et à prophétiser. Voilà. Maintenant, quels sont les gens qui sont là? Ils étaient environ. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Voilà. Tu vois qu'ils avaient accepté l'évangile des gens, ils avaient été baptisés. Ils ont continué le chemin jusqu'en Asie sans avoir attendu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les a localisés là-bas. Tu vois ça, mon cher frère? Donc, il n'y a pas une discontinuité entre Marc chapitre 16, verset 17, Acte chapitre 2, Acte chapitre 8, Acte chapitre 10, Acte chapitre 19, 1 Corinthiens 14. C'est le même sujet dont on a même parlé. Parce que dans on posait le même malade, mais là, selon guéri, on a vu ça partout là-bas dans 1 Corinthiens. On voit comment il guérissait. Blanc mortel, on voit comment l'apôtre Paul avait le serpent, on voit ça, ainsi de suite. Donc, la conclusion ici, c'est que s'il y a ambiguïté sur les versets, qu'il parle par l'esprit, et là maintenant on peut revenir là-dessus, c'est que vous voulez prier par intelligence et prier par esprit. C'est une autre explication. C'est que lorsque c'est flou, on regarde jusqu'à ce que ce soit clair. Quand c'est clair maintenant, il faudra comprendre ce qu'il a dit. Donc la conclusion là, comme l'apôtre Paul a conclu, c'est que par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais un signe pour les non-croyants. Donc Dieu voulait faire aux non-croyants. Et ici, non-croyants, ce n'est pas les non-juifs. Non-croyants, c'était des juifs. Parce que dans Esaïe chapitre 28, il parle des juifs là-bas. On est d'accord, n'est-ce pas? Il dit, on est d'accord, non? Quand Dieu parle dans Esaïe chapitre 28, il a parlé des juifs qui ont rejeté la loi chaque fois. Et chaque fois, on fait ça par les sectes avec sa loi. Il est dans ces cas, à ce peuple juif, il veut le rappeler maintenant avec les langues basses, le Sinaï. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Ou bien continuez la lecture déjà, continuez la lecture. Nous sommes arrivés dans le verset 22. Voilà donc, prends encore à partir du verset 20. Tu lis doucement. Juste aller sur 1 Corinthiens 14, verset 20. On continue. Le verset 20, frères et sœurs, ne raisonnez pas comme les enfants, au contraire. Pour le mal, soyez des bébés. Mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Continue, frère. Maintenant, il est écrit dans la loi, c'est par les hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Oui. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe pour les non-croyants, mais pour les croyants. On a bien compris, non? Si donc. Donc, mais ça veut dire, sur cette base-ci, ça suppose que les pasteurs ont menti les gens en disant que le parler langue, c'est un signe pour eux, croyants. Parce que la Bible dit clairement, c'est un signe. C'est-à-dire que le but pour lequel le don des langues est donné, c'est pour confondre ceux des juifs qui ne croyaient pas. Parce que c'est pour cela qu'ils étaient étonnés dans chapitre 2. Mm. Parce qu'ils savaient que Dieu est le Dieu des juifs. Mm. Si Dieu parle, il a donné la loi en hébreu. Les autres peuples, personne n'avait ces lois-là. Et avec ça, chacun s'est formé sa domination au point où il n'y avait que l'État, personne ne savait plus quoi pour manger. Mm. Dieu donc dit qu'il va sortir hors de cela, il va parler. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés de ce qui de déclarer les oracles de Dieu en une autre langue. C'était incomparable. C'était du jamais vu qu'on parle du Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac et le Dieu de Jacob, par exemple, en arabe. Tu vois un peu cela, n'est-ce pas? Il est là commencé à les confondre. Qu'est-ce que ceci veut dire? L'apôtre Pierre a pris ça à partir du chapitre de verset 17 pour les prêcher, pour expliquer ce qu'il en est par rapport à la chute et le relèvement. Continue, mon cher. Par conséquent, les signes sont. Les langues. Les langues sont un signe pour les non-croyants, mais pour. Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Mmh. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Oui. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue et qu'ils entrent des simples auditeurs ou des non-croyants, que diront-ils? Ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si toutes ces prophéties, si tous prophétisent, et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous, et si les secrets de son cœur sont dévoilés, il tombera alors sur le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que deux ou trois au plus parlent? Attends d'abord. Là, ça commence à poser encore une autre problème. Si quelqu'un dit que j'en ai parlé, je ne me contrôle pas, qu'est-ce que tu en dis? Bon, il est écrit du prophète, c'est sur mon prophète. Oui. Bon, alors, quand on voit donc que les gens parlent partout, on dit qu'il ne peut pas s'arrêter. Puis non, j'ai parlé ma bouche, je ne parle même pas à m'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut-être c'est eux-mêmes, peut-être c'est un esprit. On voit ça partout. Et le pasteur lui-même qui m'a parlé en langue, il prie en langue, n'est-ce pas? Non, c'est que je veux savoir. En fait. Oui. Excusez-moi, tout ça, c'est un peu choquant. C'est choquant, ma soeur. C'est que je veux savoir. Vous-même, vous parlez, tu veux parler en langue? Non, je ne parle pas, mais j'ai passé dans des langues, là. Non. C'est peut-être, je demande si dans votre marché du Seigneur. Oui. Est-ce que vous avez été peut-être séduit, peut-être par ça? Est-ce que vous tu avez sais, parlé cette langue? Je vais vous expliquer maintenant, c'est que ma vie chrétienne, un peu. Je ne suis pas passé par les dénominations. Je ne suis pas passé par les. Dénomination. Donc, je n'ai pas été infesté par cela. Dieu m'a appelé pour que je vienne réparer ces choses sur le but pour lequel je suis venu sur la terre. Il m'a appelé pour venir réparer ceci. La première fois qu'il dit ça, c'était choquant, parce que les gens m'ont regardé comme ça. D'autres personnes ont dû se séparer de moi. Mais Dieu m'a dit, reste tranquille, parle. Parce que ce n'est pas ça. Il y a des choses encore qu'il dit là. Tu vas dire que frère Junior, c'est bon, bonne nuit. Ça, ce n'est qu'une petite partie. D'accord? Parce que c'est la pierre d'achoppement. L'histoire, c'est de parler en langue, c'est pour les pentecôtistes, c'est que le mari est pour les catholiques. Tu veux parler aux catholiques des baptêmes d'eau sur la tête, ça ne te dérange pas. Touche Marie. Tu sauras qu'il y a quelqu'un qui défend cette cause-là là-bas. Parce que ici, derrière ici, je souffre les séductions qui permettent à ce que vous blasphémez le nom de Dieu, croyant que vous allez le glorifier. Parce qu'il se cache derrière, sachant que vous ne comprenez pas ce que vous allez lui dire. Mais moi, c'est ce que je veux comprendre. Quand on va finir, je vais dire maintenant comment le baptême Saint-Esprit vient. Vous n'êtes pas. Vous n'étiez pas. Mais une personne en français qui est dans la dénomination, elle va aussi. Comment vous avez commencé à douter de ce parler en langue? Je veux savoir. Okay. Si vous avez reçu un enseignement, vous étiez dénommé, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Ben, moi, très simplement, un matin, clairement, je commençais à me sentir. J'étais mal en paix avec ça, j'étais pas en paix avec ça. Je me disais, qu'est-ce qu'on entend de parler? Et je suis reparti dans les écritures. Et quand je suis reparti dans les écritures, je me disais, Seigneur. Mes yeux ont commencé à s'ouvrir naturellement. Je dis, mais quand je relis, je vois que ce qu'on fait, parce que déjà même, il y a une base qui est très importante à comprendre. Lorsqu'on voit la manifestation au sein de nos assemblées, n'est-ce pas, au sein des assemblées, on voit le désordre qu'il y a. Lorsqu'on repasse Marie 1 Corinthiens 14 que tu viens de lire, on voit l'ordre que Paul met. Or, il savait que depuis, et je vous parle en témoin, est-ce que vous avez déjà vu une seule fois un culte qu'on peut faire où il y a eu un ordre? C'est-à-dire, on voit qu'une personne parle en langue, après il y a l'interprétation. Jamais. De mémoire des pasteurs que je fus, je n'ai jamais vu une seule fois un culte où on a parlé en langue à tour de rôle avec interprétation. Donc, ça tout de suite, ça pose un problème. Si attends, frère, ne découpe pas. Mm-hmm. Ça montre que si vous êtes 100 dans une assemblée et que tous ont le don de cette langue-là et que Dieu a donné tous les autres dons sans donner le d'interprétation, c'est que lui, il est le premier désordonné. Parce qu'il est censé interpréter ce qu'il a dit pour que les gens soient édifiés. Continue sur mon temps. Donc, effectivement, à partir du moment où on voit que dans la pratique au quotidien, dans les assemblées, ça a toujours été non conforme aux Écritures, naturellement, ça a attiré mon attention. Je dis, ah tiens, si on a toujours fait ça, alors que pas dans les Écritures, il dit clairement que si, au plus trois personnes parlent et chacun après, plus de trois personnes parlent déjà, ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas ne peut pas mentir. Le problème n'est pas chez le Saint-Esprit ou la parole de Dieu, le problème était chez nous. Je pense que si parmi Dieu, trois personnes parlent, si on dit qu'il y a des non-croyants, supposons. Si non, il ne parle pas à des non-croyants. Ce n'est pas qu'on ne parle à des non-croyants, non, c'est pas cela. Non, pas non-croyants, à des personnes étrangères, d'accord. Oui. À des personnes étrangères, autant pour moi. Si c'est ce à quoi le parlons, donc c'est pourquoi là, dans le cas de l'église, que Paul parle, si un parle en langue, l'autre est l'interprétation. Ça, c'est quoi? Parce qu'en fait, il a expliqué dès le départ que si entre un non-croyant et que celui où vous parlez, et que, si celui-là est là-bas, les pensées de son cœur sera dévoilé. Il y a au-delà de cela le mystère que, s'il y avait du temps, j'expliquerai derrière ces choses-ci là maintenant. Mais frère, moi je pense que Pierre disait que l'esprit de l'Antéchrist. C'est l'esprit qui ne peut pas admettre que Jésus-Christ est Dieu. Vraiment, hein? Je te montre dans la Bible ça. Il disait ça donc que l'Antéchrist, c'est. Non, il dit que qui est celui qui revient que Jésus n'est pas le fils de que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Mm-hmm. Celui qui est tel, c'est l'esprit d'Antéchrist. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu voulais dire? Celui qui ne confesse pas Jésus-Christ, venez en chair. Voilà. C'est 1 Jean chapitre 4 là. Uh-huh. Oui. Voilà. Bon. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te pose, est-ce que tu penses que Satan peut glorifier Dieu? Oui. Il dans tout ce qu'il fait, oui. Il peut faire ses louanges. Oui. Il peut même. Même le démon le fait. Si tu veux, on peut faire. C'est là la chose. Je vais dans la Bible, je te montre un à un. Parce que moi je parle de ça parce qu'il y a des frères qui ont rendu le témoignage où ils étaient chez eux, ont été visités par le Seigneur. Oui. Pendant quelques jours, ils sont allés à la présence du Seigneur. Il y a un qui se mettait à parler en langue et il y a l'une d'entre elles qui a. Je ne sais pas si tu as connu l'histoire, non. Les frères de Bourgogne. Il y a une qui a reçu l'interprétation et elle interprétait justement le parlant en langue de l'autre. Oui. Bon, maintenant, ça c'est le témoignage, ça c'est l'expérience. Mm. Mais l'écriture, c'est autre chose. Mm. D'accord? Parce qu'il ne peut pas dire son témoignage, mais il faut que tous les témoignages doivent être faits à l'image, à la parole. Mm. Par exemple, quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, parce qu'il y a un problème avec les visions. Mm. Et je rends grâce à Dieu que ça soit posé ainsi. Celui-là m'a posé la question aujourd'hui, Seigneur, Frère Junior, quand il a posé la question, je savais exactement où il allait. Comment. Les gens disent qu'ils ont vu Jésus-Christ pleurer pour les âmes qui vont en enfer. Ça pose problème directement avec la Bible. Que Jésus parlait, il pleurait. Parce qu'il y a beaucoup de témoins qui disent que Jésus pleure. J'ai vu Jésus-Christ qui pleurait tellement parce qu'il disait que voilà les âmes pour lesquelles il allait en enfer, quoi, à la croix, qu'ils sont allés en enfer. Mais Jésus sur la terre a dit qu'aucune de ces brumes ne s'égarera. Donc il y a deux Jésus, l'un qui était sur la terre. Donc il y a un problème, n'est-ce pas? Oh, le témoignage de l'Écriture nous est laissé. N'est-ce pas si tu comprends? Jésus sur la terre dit que j'ai achevé l'œuvre. Il a dit que j'ai une mission accomplie. Sur la croix, il a inspiré que tout est accompli. Dans Jean chapitre 36, verset 36, il a dit que la volonté de mon Père, c'est que je donne ma vie et que je sauve tous ceux qui viendront, tout ce qu'il m'a donné. Et il a dit qu'il ne perde personne, aucun. Je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais. Puis à la fin de sa course, il dit que tout est accompli. Parce que dans Hébreux chapitre 10, il était question que il y avait des sacrifices qu'on donnait. Il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Dans le rôle de l'Église, il est question de moi. C'est pour ça qu'il dit, je viens pour faire ta volonté. Pour faire la volonté, parce que ce que les sacrifices ne peuvent pas faire, il est venu faire cela. Et là, en finissant, il a dit que tout est accompli. Donc, ça veut dire qu'il a mis à l'abri tout ce que Dieu lui a donné, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un vient dans la vision maintenant. Il dit qu'il a vu ce même Jésus en train de pleurer. Parce que le but, parce qu'il peut pleurer. Mais le but pour lequel il pleure, c'est que les gens sont en train d'aller en enfer. Et là, d'après ce que la personne est là, c'est que et les autres ne sont en train de rien faire pour qu'ils soient sauvés. Quelqu'un t'a prêché l'évangile pour que tu sois sauvé? Il y a un problème. Il y a un problème dans ces visions. Il peut vous en prendre comme ça plusieurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire avec ces personnes? La personne m'explique. Le vrai problème, c'est qu'il a vu quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une vision qu'il n'a plus. Je ne peux pas dire que non, c'est faux. Parce que la personne a reçu quelque chose dans son esprit. Et il a vu vraiment. Maintenant, c'est qu'il faut amener ces choses-là à la parole. C'est la parole qui est la règle. Parce qu'une catholique va dire, Marie est venue dans ma chambre. Une femme est venue dans ma chambre. Elle m'a dit, continue à réciter les rosaires. Quand tu fais comme ça, le Saint-Cœur de Jésus, son sang coule toujours parce qu'il pleure pour les âmes. Après, il dit que ce que tu demandais là va venir dans 2 jours. Dans 2 jours, la chose arrive. Et ça arrive. Vous voyez qu'il y a un problème avec la vision, n'est-ce pas? Comment tu vas dire à cette femme, c'est que non, Marie n'est pas, Marie est morte, elle est en enfer contre tout le monde. Maintenant, il va falloir que tu l'amènes dans les Écritures, parce que cette personne, c'est qui a vu Jésus qui pleure, a vu quelque chose. Cette personne, c'est qui a vu Marie, a vu quelque chose. Si toi, tu as vu Jésus, l'autre a vu Marie, sur quelle base, toi qui as vu Jésus, va dire que ta Marie est fausse? Il y a une référence, c'est les Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures sont faites en sorte que si tu dis quelque chose, même si tu es sérieux, si c'est contre aux Saintes Écritures, je crois aux Saintes Écritures. Parce qu'il a dit que même si c'est un ange du ciel qui vient annoncer un autre évangile. Parce que si ces jours-là, je me trompe, c'est Dieu, c'est avec sa parole que moi, je vais présenter devant lui. Parce que tu avais dit que je prends comme garde-fou la parole. Donc maintenant, tu as la parole devant toi et tu as l'espérance de quelqu'un. Et là, il faut amener son espérance dans la parole. Et tu lui demandes, est-ce que c'est conforme à la parole? Qu'il regarde dans la parole pour voir ce que la parole de Dieu dit. Je reconnais que les pentecôtistes sont embrouillés cela. Je vais dire d'abord quelque chose. Il y a un groupe chez les catholiques, on appelle les charismatiques. Vous avez entendu ça aussi? Et ils font comment? Ils prient comment? Non, moi j'ai pas assisté à la prière. Comme les... Ils prient en la même chose que les gens prient. Ah! Même plus que les pentecôtistes. Ils prient plus que les pentecôtistes. Ils prient la même chose. Là, si tu les mets dans une salle, sans mettre les croix et autres là-bas, ils commencent à prier. Tu vas savoir que c'est les évangéliques. C'est quand ils finissent qu'on va faire les rosaires comme les bouddhistes que tu confirmes que non. Ah, donc, c'est un autre groupe au milieu catholique. Maintenant, savez-vous comment ils ont commencé? D'abord, avant que d'expliquer comment ça a commencé, est-ce que le Saint-Esprit peut venir vers toi et te pousser à l'idolâtrie? Est-ce que le Saint-Esprit peut venir vers toi, te pousser dans le péché? Si le Saint-Esprit vient vers toi, il dit que prie Marie, que récite davantage de rosaires. C'est le Saint-Esprit. Ok, maintenant. C'est un évangélique. Un ancien qui était jadis considéré comme un très grand milieu pentecôtiste dans les hommes d'affaires de foot gospel, qui a amené les catholiques comme ça, les imposer les mains, ils ont commencé ces choses-là. Donc, c'est au milieu pentecôtiste qu'ils ont transféré ça chez les catholiques. Ils ont commencé exactement comme eux. Et quand le Saint-Esprit est venu sur eux, elle parlait le grec. Quelqu'un qui n'a pas parlé le grec, elle parle. Et ce grec-là, elle dit, Marie vous aime quand vous récitez le rosaire. Récitez davantage le rosaire. Si vous récitez et soyez sur le rosaire, ne vous en détournez pas. Si vous faites comme ça, alors il y a un problème. Parce que Jésus a dit, quand l'Esprit viendra, il va conduire dans toute la vérité et va glorifier le Seigneur. D'accord, ma chère? D'accord, mon frère? Alors maintenant, voilà les pentecôtistes qui parlent en langue. Voilà les charismatiques. Les catholiques étaient tranquilles avec Marie. C'est eux qui sont venus leur donner leur code part. Alors, le jour qu'il a imposé le même, parce qu'il a imposé le même conformément à chapitre 19, il dit non, on a imposé le même, le Saint-Esprit venu. Il a imposé, c'est effectivement venu. La question c'est, si c'est venu sur eux, et qu'on voit maintenant que c'est faux, ce qu'il avait sur lui, c'est quoi? Et ma soeur? Donc c'est ça qui parle. Ok. On avance ici. Donc ça dit que toute expérience doit être conforme à la parole du Seigneur. Toute expérience, même si tu as fait n'importe quoi. Oui. Si un chrétien converti, par exemple, oui, qui est parlé presque à l'esprit de Dieu, qui parle en langue, bon, qui se parle en langue en question, oui. Vraiment, aucun esprit n'a le droit de se manifester. Il y a un problème. En dehors, il ne peut pas avoir deux entités dans son. Il y a un problème. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un problème. Le problème, c'est que Dieu nous veut le baptême du Saint-Esprit. Ouais. Parce que quand ces gens, c'est qu'elle a imposé la main. Ils ont commencé, ils n'avaient jamais fait blablabla. Quand c'est venu, il a dit que vous avez le baptême du Saint-Esprit. Tu réunis les évangiles aujourd'hui, ils se réunissent quelque part, ils disent que venez tel jour, on va prier pour le Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas qui est parmi eux. Où est-ce qu'il a eu? Quelle est la mission qu'il a eue? Après, il vous impose le main, il dit, ah, parle, parle, ouvre ta bouche, commence à parler seulement, commence à parler. On ne force pas pour les dons. On ne force pas pour les dons. D'autres viennent au milieu et disent que non, je n'ai pas parlé là-bas. C'est à la maison qu'il est parlé. Mais tu as été infesté. Tu vois le problème? Non, tu as été infesté. Il y avait une femme en Côte d'Ivoire. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si y avait mon exemple, si vous aurez mis cela. Il y a une femme en Côte d'Ivoire, pendant quand elle est entrée, là j'étais en train de prier, j'ai dit, cette femme-ci, il y a quelque chose dans ton ventre. Elle est là, me regarde comme ça là. Vous avez vu ça dans la vidéo, non? Elle était là comme ça dans la vidéo. On a fait juste parce que quand l'être là est entré, le frappait, PAM! Elle a dit, waouh, waouh, waouh, tu dis, oh! Il dit, tu parles, cette chose que tu parles là, tu as pris où? Je dis, là, oh! C'est venu comme ça. Elle est sûre qu'elle parle en langue. Et elle tourne en rond comme ça avec Dieu. En dedans, l'autre était là-bas. Après, elle est sortie par le seul coup de feu. J'ai dit, viens, madame, c'est que tu parles là. Où est-ce que tu l'as pris? Tu es allé dans un milieu où on priait? Oui. Elle voulait d'abord discuter. Que non, non, non, là, on délivre. Et puis, tu as pris ça là-bas. Elle est sûre qu'elle est baptisée du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, on a connecté le baptême du Saint-Esprit à cet esprit-là. De telle enseigne que, quand elle parle, elle est sûre qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Le problème, c'est que. Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas comme ça. Le simple bon sens voudrait que vous regardiez une assemblée. Vous voyez les gens, vous voyez le style de vie. Vous savez que ce n'est pas le style de vie du Saint-Esprit. Le simple bon sens. Le Saint-Esprit ne vit pas dans l'hypocrisie, dans les haines, les disputes. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience. Vous devez regarder ceci. Or, il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont même pas fait, qui ne font pas, qui ne sont pas dans l'église, qui ont le bon comportement plus que ceux qui ont cela. J'ai prêché ça depuis des années qui sont des prêches, depuis 2009 qui sont des prêches. J'ai amené les gens dans la repentance avec cela. Il y a beaucoup de personnes, il y a d'autres personnes qui ont dû être délivrées. D'autres personnes qui savaient que c'est le mensonge. D'autres personnes qui ont eu dans le songe en voyant cet esprit-là sortir. Si c'est le Saint-Esprit, tu ne peux pas chercher le Saint-Esprit dans un corps. On ne peut pas chercher le Saint-Esprit. Donc il ne peut pas venir vers toi et dire que tu as ton Saint-Esprit, il cherche ton Saint-Esprit. Ça n'a pas de sens. Ou tu vois ce n'est-ce alors quelqu'un est au sol. Il y a une autre femme qui était venue à la maison quand on était à Bonhomme, ça dit là où frère français était venu à Yadouala. Elle était assise comme ça. Elle a commencé à parler. Elle était troisième femme d'un homme qui. Enfin, il laisse même sa vie. Mais elle était là, il dit que madame, comment tu peux-tu savoir que c'est le Saint-Esprit? Ah non, parce que chez eux, ils appellent ça église et vision du Saint-Esprit. Donc on distribue ça à un gogo là-bas. Il dit qu'on va prier maintenant. Quand elle a commencé, bam! Elle a commencé, il dit à ma femme que enregistre ce qu'elle dit. Quand il dit, je t'ordonne de sortir, elle dit, je ne sors pas. Alors je pose la question. Le Saint-Esprit peut-il chasser le Saint-Esprit? Je ne peux pas m'aventurer. Il y a encore un autre là-bas à qui on commande. Le Saint-Esprit m'a dit, avance vers lui. Je m'impose la main une fois, deux fois. Qui es-tu? Il dit qu'il s'appelle Elohim. Le Saint-Esprit dit que insiste. Je dis, qui es-tu? Qui es-tu? Après, il chante, il dit qu'il ne dit pas son nom. Elle a commencé dans la voix à changer. Dans l'église, on l'appelle prophète. Alors vous devez poser la question sur le Saint-Esprit. Quand est-ce que. Et donc, le vrai baptême du Saint-Esprit, vous allez regarder maintenant, allez doucement dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons commencer dans Jean chapitre 5, verset 37. Puis vous avancez maintenant, ça c'est la promesse de Jésus. Ceux qui croient en moi, des fleuves de vivre couleront de son sein. Vous allez, étape après étape, dans les actes des apôtres, comment les gens ont reçu le Saint-Esprit, quel était leur style de vie, leur manifestation. Ça doit commencer là-bas. Si c'est pas comme ça. Oui, excuse-moi, moi j'ai vécu une expérience. Oui. Et je veux que tu me dises ce que tu en penses. T'as poussé vers rien. Oui. Petit-fils. Moi, je suivais à l'époque quand j'étais bon. Bon, oui, j'étais donné à fond. Oui. Je suivais les enseignements de Capou Séverin. Et moi, je recherchais le don de parler en tout ça. Stop, voilà, arrêtez, voilà, j'explique dans ceci. Il ne dit pas peut-être qu'il peut dire parce que ça concerne beaucoup de personnes qui sont en édifice ici. Tu vois, effectivement, que. Remarquez très attentivement. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul explique. Qu'on aspire au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Vous ne pouvez pas aspirer, remarquons très attentivement qu'on est dans 1 Corinthiens 14. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, le problème du baptême du Saint-Esprit est déjà réglé. Je veux que vous compreniez bien la nuance. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13 dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc il s'adresse à ceux qui sont dans ce corps-là, qui ont été baptisés. Puis il dit maintenant que aspirer au don spirituel, parce que tu as le Saint-Esprit maintenant, tu peux souhaiter avoir tel don pour que l'église, pas pour te vanter, pour que l'église en soit édifiée. Maintenant, il dit aspirer. Donc, aspirer ici, c'est uniquement pour ceux qui ont déjà été baptisés dans le Saint-Esprit. Maintenant, le problème maintenant avec ça, c'est pour ça que je vais prendre cela pour expliquer avant de te laisser continuer. C'est que les gens viennent dans l'assemblée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on leur dit? On dit que priez pour que Dieu vous donne le don des langues. Vous avez vu le problème, n'est-ce pas? Quelqu'un sort du catholicisme, même si on a été baptisé, l'autre là-bas, il commence à parler. On les incite à prier pour demander de le parler en langue par le Saint-Esprit. Où est la différence? Nous, on associe quand on prie pour le baptême du Saint-Esprit qui se manifeste par le palais. Parce qu'on vous a dit que ça se manifeste par le palais en langue. Si dans son plan, parce qu'il a dit que tous parlaient en langue, la réponse est non. C'est non. Alors, si dans son plan, il n'a pas prévu cela pour toi, qu'est-ce qu'il en est? C'est pour ça qu'il faut prier, qu'il donne d'abord son esprit. Et donc, là, avec son esprit, on peut aspirer. Oui. Donc, tu dis que tel est. Non, je suivais le témoignage qu'a pu servir sur le don spirituel, tout ça. Oui. Franchement, j'aspire au don spirituel. Oui. Jusqu'à présent, quand j'aspire au don de parler en langue. Et le soir, je fais un songe. Et je songe, il y a Capu Séverin qui vient me voir. Et il me dit. Là, il était déjà mort. Il était déjà mort. Oui. Il me dit, tu veux parler en langue? Et il me pose la main. Oui. Et puis il me dit, vas-y, parle en langue. Parle en langue. Et j'essaie de parler en langue, mais ça ne sort pas. C'est bloqué. Oui. Je sens que c'est bloqué, ça ne sort pas. Bon, une fois plus, je mets encore un point, parce que tu as dit que je dis ce que j'en pense. Maintenant, souvent, très souvent, que ce soit la radio, je n'aime pas dire ce que je pense, j'aime dire ce que l'écriture pense. Il y en a combien de dons spirituels qu'on connaît? 12. Prenons le 9 dans le temps. Le don pour la guérison. Si tu pries, comment on va faire pour t'entraîner pour que tu aies la guérison? Le don de guérison, par exemple. Il dit ceci. Parce que là, il a dit, quand on se fait venir dans le songe, il dit pars. Et tu vois que ces songes sont conformes à ce qu'on fait aujourd'hui dans les assemblées. Pas vrai? Maintenant, est-ce que dans la Bible, vous avez vu qu'on a prié pour quelqu'un pour qu'il parle en langue? Donc, ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui est contraire aux Écritures. Parce qu'à chaque endroit, personne n'a prié pour que un don soit donné à quelqu'un ou bien le don de langue particulièrement. D'accord? Le Saint-Esprit vient et il se manifeste à chacun selon qu'il veut. Tu vois la différence, n'est-ce pas? Maintenant, en prenant l'exemple de le fait qu'il prie aujourd'hui pour que les gens parlent en langue, est-ce que tu as vu quelqu'un prier comme cela pour que quelqu'un soit le don de guérison? Tu sais pourquoi? Parce qu'on peut truquer le don de parler en langue, on peut pas truquer le don de guérison. Parce que le don de guérison, tu as un don de guérison. On dit que voilà quelqu'un qui est malade. Tu as compris, n'est-ce pas, frère? C'est ça le problème. Mais l'ennemi fait ça. Hein? Non, attends, l'ennemi fait ça sans qu'on ait prié pour lui. Il reçoit un autre esprit qui le fait. Mais il dit que dans l'église, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imiter. On ne peut pas imiter cela. Parce que si tu dis comme ça. C'est parce que quand tu dis. Puisque tout le monde fait. C'est plus facile de tromper avec cela. C'est donc pour cela que j'invite chaque personne, comme l'apôtre Paul a fait ici, qu'il y a un frère qui s'est séparé de moi. Je lui ai dit, frère, je ne t'en disconviens pas que tu te sépares de moi. Mais ce que je vais te dire, c'est que je n'ai pas été convaincu, je n'ai pas le droit de te convaincre. Je te dis, c'est ce que l'Écriture dit. Si tu penses que ça vient de Dieu, va demander l'interprétation. C'est simple. Si tu penses que ça vient de Dieu, va demander l'interprétation si Dieu te donne. Parce que s'il donne le don de langue facilement, comment il peut donner 800 000 langues? Il ne donne pas une seule interprétation. Vous devez vous poser des questions. Et pourtant, c'est censé être donné pour que l'Église soit édifiée. Et donc, est-ce que tu as prié pour le don de Dieu? Si tu pries pour le don de parler, là il y a un problème dès le départ. On ne prie pas pour ça. Non, il faut d'abord, il y a une première chose qu'il faut faire dès le départ, il faut le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le problème. 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous été basés dans un seul esprit, formé un seul corps. Chapitre 14, aspirer le don spirituel. Qui? Ce que baptise le Saint-Esprit. Mais donc si on est converti, on est déjà basé du Saint-Esprit. La conversion, c'est autre chose. La conversion, c'est autre chose. Mais si on dit, nous avons tous été baptisés. C'est pas tout le monde. Quand il dit tous, il a dit parler, quand il écrit comme ça, il parle à ceux qui que cette condition est réalisée. Quand il déclare que si quelqu'un est en Christ, quand quelqu'un va prendre ça, un païen va lire ça, il va voir quoi? Quelqu'un est en Christ. Est-ce que ça le concerne? Si un non-croyant prend 1 Corinthiens 12, là, il dit, nous avons tous été baptisés du Saint-Esprit. Après, il dit que, ok, donc ça dit qu'on parle aussi de moi. Ça parle de lui. Donc, c'est pour les croyants. Parce que Jésus avait dit dans Jean 7 que tu as commencé à lire là, dans cette chanson. Il dit cela de l'esprit. Il dit que ceux qui croient en lui, les sources d'eau bleue couleront de son sein, comme dit les Écritures. Il parle cela de l'esprit. Prends Luc, le livre de Luc là. Il parle cela, Luc chapitre 22. Il parle cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il y a croix en lui, oui. Je comprends un peu la préoccupation de Sakuna parce qu'il y a un gros souci. Je vais poser cette question. Oui. On a distingué, on nous a enseigné à l'illumination qu'il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Tu vois le problème? En fait, je crois que tout part de là. C'est, ça que les gens c'est un vrai problème là maintenant encore. Tu sens. Ah mon Dieu. C'est fort, hein. C'est grave, c'est grave. Mais c'est ça, donc moi, je dirais même que à la fin, on peut prier, on peut prier. On n'a pas te délivré l'esprit de Capucet. Non, non, attention, regarde bien, ça on résout ça facilement, parce qu'en réalité, on résout ça facilement. Il suffit seulement que vous soyez dans le vrai avec le Seigneur. Parce que ce que Dieu fait avec ses enfants, c'est que même si on trompe ses enfants, on ne veut pas le tromper pour toujours. Si tu es dans un milieu qui n'est pas bien, tôt ou tard, il crée un problème pour que vous sortiez. Si... Tu as dit ça que tu n'as pas parlé, ouais. Ouais, donc... Mais le problème, il y a un impact spirituel dans l'esprit. Parce qu'il t'a visité derrière. En fait, oui, il y a trop à connaître ce qui se passe dans l'esprit spirituel. Il y a l'impression que moi, je stagne. En fait. Je te dis clairement comment les choses sont. Depuis quand tu devrais passer. Sa femme dit que depuis que Kako s'est venu passer. Non, c'est pas ça du tout pour une écoute des prédications la nuit, quand c'est venu les visiter. Et tu vois que c'est normal que c'est Kako Ferreira qui vient passer, ce sont ses prédications que tu as écoutées. Si tu avais écouté pour quelqu'un d'autre, si quelqu'un... Non, écoute, il écoute pour d'autres personnes, mais quand c'est Kako Ferreira... Non, en fait, c'est, même, il va écouter, mais là où son cœur est plus attaché, c'est Kako Ferreira. C'est pour ça que ça peut venir dans ses mains. Je priais que dans le don spirituel, parce que tu as écouté l'enseignement sur le don spirituel, comme il a dit. Et puis, j'ai soupiré au don spirituel. J'ai fait une recherche sur YouTube des prédications sur le don spirituel. Oui. Il y a la prédication de Kako Ferreira qui a parlé. Ah tiens, j'allais écouter sa prédication. Paf, il est balancé. Non, il n'avait pas un amour particulier. Tu as dit qu'ok, maintenant, je vais faire comme il a dit. Et quand j'ai fini sa prédication, le soir, j'ai dormi et j'ai eu la visitation. Voilà. En fait, je te dis, en fait, mon problème que j'ai, ça peut être peut-être l'orientation par rapport à la prière, si ça me permet. Oui. C'est que j'ai eu des attaques spirituelles. Oui. Il y a une fois, il y a trois démons qui m'ont attaqué. Oui. Ils étaient vraiment énormes. Oui. Ils étaient vraiment grands et le pied était retourné dans l'autre sens. Oui. Donc ils marchaient en sens contraire. Ils venaient devant toi, mais le pied de regarder derrière. Ils m'ont encerclé. C'est qu'il y a un qui est là, il y a un qui est là, il y a un qui est là. Et moi, je suis au milieu d'eux. Oui. Maintenant, eux, quand ils s'arrêtent, c'est comme les animaux. Là. Oui, le pied est tordu un peu. Voilà, c'est dans l'autre sens. Oui. Et ils étaient tout gris, ils avaient les yeux autour de la tête. Oui. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont dit : donc c'est toi qui veux servir Dieu là. Oui. Et j'étais arrêté. Ils disent : donc c'est toi qui veux servir Dieu là. J'ai levé ma main, j'ai dit, l'éternel est mon Dieu. Oui. Il a dit, oh, c'est pour ça que tu sens la fumée. Hein. Oui. Il dit, mais tu vas voir, je te maudis. Il a mis sa main. Waouh. Ouais, il m'a imposé la main comme ça. Il m'a attrapé comme ça. Puis il dit, je te maudis. Il a dit. Et après, il a donné une phrase vers la fin que je n'ai pas bien perçue. Que quand tu veux les dons, tu veux servir Dieu, je vais mettre une chose en toi qui va faire que. Soit tu n'auras pas. J'ai pas compris la phrase. Voilà. Oui. Mais il a dit ça et puis paf, je me suis réveillé. Oui. Après une autre fois, j'ai fait un autre songe où j'étais couché, bon, enfin, je dormais, et il y a un monsieur qui était en train de, un prédicateur qui était en train de prêcher. Oui. Et il imposait les mains à un monsieur qui était en face. Oui. Et moi, je passais. Oui. À venir à faire n'importe quoi. Faire. Donc, moi, je passais. Oui. Et au lieu de le contourner, moi, je suis passé au milieu d'eux. Oui. Et quand je suis passé au milieu d'eux, automatiquement, j'ai été saisi. Oui. Et je suis tombé et j'étais en train de trembler. Et j'étais sur mon lit. Et tu semblais, tu sentais ça. Je sentais l'électricité que parcourait tout le corps. J'entendais tout mon corps. J'étais réveillé, j'étais couché, je tremblais. Et je sentais toute l'électricité qui parcourait mon corps. Oui. Et il y a eu d'autres expériences comme ça où je suis couché et il y a une délivrance qui est en train de se faire. Je suis dans ma chambre, il y a des gens qui sont en train de prier en songe. Oui. Dans le salon. Oui. Et j'entends les gens en train de faire la délivrance, en train de chasser un démon. Oui. Et quand là, cette chose-là, c'est dans le songe que tu entends ça ou bien. Normalement, ça se passe. Non, dans le songe, en fait, que je vis ça. Mm-hmm. Ça, c'est plusieurs expériences, en fait. Et quand ils sont en train de faire la délivrance, l'esprit qui chasse vient directement à toi. Et je sens qu'il est en train de déchirer ma poitrine, en train de déchirer ma poitrine pour genre me tuer. Et moi, du coup, j'attrape ma poitrine et je prie. Oui. À l'instant, je prie, mais paf, il s'en va. Oui. Et les autres qui sont en train de faire la délivrance, ils viennent directement, ils me disent, mais comment tu as fait ça? Oui. Nous, ça fait des heures en train de prier pour les chasser, toi. En un instant, il est parti. Il dit, je sais pas, en tout cas, moi, j'ai prié. Oui. Tu vois, maintenant, je sens que des expériences que j'ai eues, c'est comme s'ils ont mis un blocage dans ma vie spirituelle, ou pas que je puisse avancer. Attends, je peux te promettre maintenant qu'aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Je suis dans ta maison, non? J'ai prié tout à l'heure que la paix vienne sur cette maison et pour tous ceux qui y habitent. Ça doit s'arrêter. D'accord, mon frère? Si tu ouvres seulement ta bouche pour parler, là, on va dormir ici. Ah, c'est ça, mon frère. C'est ça. Le Seigneur m'a envoyé. Pour restaurer ces choses, c'est mon but, c'est pourquoi je suis là. C'est pour ça que je suis obligé de parler ça droitement. Ça peut me poser des inimitiés. Sur les antennes de radio, j'en parle et je dois dire ça droitement. Même si je suis au courant, je suis conscient que la majorité prend cette position-ci. Je dois prendre la position de l'écriture. C'est pour cela que tu vois, je suis en train de prendre toutes les portions d'écriture où ça en parle pour en dire. Parce qu'on dit, ah, chaque personne vient seulement prendre son expérience pour en parler par rapport à ce parler en langue. Dès le départ, il faut d'abord expliquer à quelqu'un c'est le baptême du Saint-Esprit. D'abord, on ne reçoit pas le don sans être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ça le vrai problème. C'est par là que le problème commence. Le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est dans. Nous avons été baptisés dans un Saint-Esprit pour former un seul corps. Ce corps est appelé le corps de Christ. Lorsque tu es dehors ici, voici les chaises ici dans cette maison. Le don spirituel, ou bien le travail que Dieu te donne de faire, ce travail se trouve dans le corps, pas à l'extérieur du corps. Et pour que ce travail soit fait par toi, il faut que tu sois où? Dans le corps. Si tu es à l'extérieur de cette maison-ci, la porte est fermée, tu dis, il y a ma place à terre, il y a ma place à terre, tu ne t'assierais pas tant que tu n'entres pas dans cette maison-ci. Et par conséquent, lorsqu'on ouvre la porte, tu y entres, tu peux donc maintenant occuper la position qui est tienne. Le baptême du Saint-Esprit, donc, englobe quelqu'un et l'amène dans le corps. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Maintenant, lorsqu'on y entre, il dit à l'un est donné. Vous avez vu la chose, n'est-ce pas? À l'un est donné par l'esprit. Tel, à l'un, pour l'utilité commune. Donc, on a forcé le départ par rapport au Saint-Esprit. Il y a un travail de fond qu'il faut d'abord faire du nettoyage par rapport à cette vomissure dont Isaïe en a parlé. Les vomissures qu'on a pris par-ci, par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-là, par-là et autres là-bas, pour que ce nettoyage soit fait. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit dans notre dernière époque, aidons du zèle. Parce qu'il sait effectivement que les gens n'auront pas de zèle pour l'audace pour se repentir. Parce qu'on est en train de la prospérité, le don de prospérité, au point où, quand on voit que le matériel est là, on croit que c'est Dieu qui en a de faire. Alors, il dit qu'on est aveugle, nu. Pauvre, misérable. Il est nu. Il n'y a pas le revêtement de cet esprit-là. Et donc, il dit, je te recommande donc de faire, je te aide donc, disait, et répands-toi. Donc, la première chose à faire, c'est la repentance. Même si vous êtes passé n'importe quel, vous avez été infesté un peu comment, il y a une chose qui est vraie. Dites-vous seulement que vous allez chercher le Seigneur. C'est pour cela que n'acceptez pas que quelqu'un vous impose les mains. Laissez que Dieu vous nettoie maintenant. Il peut faire n'importe quoi dans votre vie sans vous imposer. Moi-même, je ne vous imposerai pas les mains. D'accord? Donc, vous allez demander au Seigneur lui-même de vous nettoyer. Et vous allez voir ce qu'il va en faire. Qu'il vous nettoie. Dit, alors, le Luc chapitre 22. Regarde, je suis attentivement ici. Il y a quand même là. Donc, le problème qu'on entend d'aller maintenant. Est-ce que c'est que sans le baptême du Saint-Esprit, si tu attends l'enlèvement, tu ne partiras pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Tu sais ça, non? Il faut parler, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Bon, comme vous avez le net, on est à minuit là maintenant. Il y a. C'est quoi le baptême? Ou bien quand on va arriver, on va vous envoyer ça sur le tout. J'en ai déjà parlé, d'accord? Je vais envoyer tous les liens qui concernent ça. Je comprends. Tu vois que j'esquive tout ce qu'il a dit parce qu'il a parlé du cas général. Après, là, quand tu brûles, ça brûle maintenant, faut dire. Écoute, maintenant. En fait, je veux comprendre aussi, si je peux me permettre. Oui, mon frère. Je veux comprendre, c'est que. On peut même te dire quelque chose te concernant, mais tant que toi-même, ça n'a pas été révélé dans ton cœur, et pour que ça soit révélé dans ton cœur, il faut que tu aies effectivement le Saint-Esprit t'ait enseigné et te montre que ça ne va pas, et que tu te lèves, tu dis, pas. Je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'on peut te dire, ah tiens, par rapport à les expériences que tu as vécues. Non, moi je ne parle pas les par rapport aux écritures en fait. Voilà, on me dit c'est la nouvelle. C'est pourquoi on te donne donc toutes les écritures là. Maintenant, le travail que tu as fait, confronter les écritures avec ce que tu as, avec ce que tu as eu. En fonction de ça, tu vas sortir certainement si tu es baptisé ou pas. Non, mais vous pouvez expliquer la nouvelle naissance. Non, attends, c'est pour ça que je l'ai dit. Attends, suis attentivement ce que je lui dis. Non, suis attentivement. Je lui dis que c'est déjà enseigné. Il y a ça dans le lien. Pour qu'on continue à ce que j'en ai fait. Parce que ça, là, il va encore prendre 2 heures pour cela. Je vais seulement te donner deux ou trois versets. C'est développé dans les versets. On va vous donner des séries. Comme ça, tu vas prendre le temps d'écouter. Et puis, tu vas en tirer ce qu'il en est. Parce que c'est clair là-bas. Maintenant, là, je pose une question. Quand est-ce qu'on est converti? Quand l'esprit vient avec nous, quand on est réunis, quand l'esprit est venu. Non, moi je suis qu'elle était convertie lorsque je savais que. On pose la question générale, celle-ci, elle rentre sur moi. Non, non, je parle que ce que je connais. Oui, oui. C'est lorsque j'ai senti qu'il y avait une autre personne qui habitait en moi qui. qui me poussait à fuir le péché, qui me parlait. Voilà. Bon. Qui me donnait la haine des choses que j'aimais avant. Il était en toi avant de parler ou bien il parlait de l'extérieur? Comment ça existe? En moi. C'est à l'intérieur. Mm-hmm. Okay. Quand est-ce qu'il est entré alors? Je sais pas. Donc, dans ce cas, il y a un problème. Tu vois qu'il y a un problème. Il ne parle pas le jour, mais je. Non, j'arrive, ne t'inquiète pas, il ne parle pas du jour. Il dit que. Suis attentivement. En réalité, l'œuvre du salut ne concerne pas les hommes. Du début jusqu'à la fin. En réalité. C'est là qu'il va avancer vraiment doucement. L'œuvre du salut, que ce soit la prédication, que ce soit la croyance, la conversion, la transformation, l'homme n'a rien à voir là-dedans. C'est Dieu qui utilise l'homme. Je vais prendre le cas de l'ennemi éthiopien. Il est à Jérusalem. Il vient finir ce qu'il a fait l'un des partis. Personne ne sait qu'il était à Jérusalem. Il est dans le désert. Il y a quelqu'un qui le voit. Qui? Dieu. Philippe est de l'autre côté là-bas. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'ennemi éthiopien. Dieu lui dit, va de l'autre côté là-bas. En détail, il lit la Bible, il ne comprend même pas. Philippe, en allant là-bas, ne sait même pas qui est là-bas, qui va rencontrer. Il n'a pas préparé la prédication. Il avance. L'esprit lui dit, avance vers ses chars. Vous voyez ce que l'esprit le fait? C'est l'esprit qui est derrière et en même temps chez l'ennemi éthiopien, en même temps chez. Mais il sait ce qu'il a de faire, parce que le but, c'est le salut de cet homme-là. Donc, Philippe n'a rien à voir là-dedans. Avant de ses chars. C'est pour ça qu'on nous appelle esclaves du Seigneur Jésus. Parce qu'un esclave, c'est celui qu'on nous dit, va, tu vas, viens et tu viens. Alors quand il avance, il entend le discours qu'il en est devenu. On dit, partant de là, il a lancé. Il n'a pas préparé la prédication. Donc, il ne savait pas que, il ne dit pas que si il finit ma prédication, il veut dire que, répète, c'est après moi. Il dit, si. Tu vois un peu. Quand il finit là-bas, lorsqu'il rencontre le chemin, ouais, c'est ça. Quand il rencontre sur le truc, il dit, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ils ont été baptisés, vraiment, qu'est-ce qui arrive? On dit, dès qu'ils ont été baptisés, l'esprit enleva Philippe. Il a disparu. Dieu l'a enlevé, pouf, le mec repart. Normalement, ça devait poser problème avec ce monsieur-ci qui vient de me baptiser. Maintenant, on commence à analyser. Le monsieur, là, l'élu éthiopien, là, il part en Éthiopie, il n'y a pas d'église là-bas. Aujourd'hui, chez nous, on dit, écris ton nom dans la liste ici, sinon il faut qu'on te suive, sinon tu vas te perdre. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dirait. Lui, il va là, qui va le surveiller? Le Seigneur, parce que c'est lui qui est à l'initiative de cela. On n'a pas peur de garder son salut, parce que celui qui a sauvé garde. Tu vois, il y a beaucoup de choses à développer. Mais ce qu'il veut dire, c'est que l'œuvre du Seigneur est faite par le Saint-Esprit. Le prédicateur est envoyé par le Saint-Esprit. Quand il parle, le message qui doit toucher le cœur est ordonné par le Saint-Esprit. Le prédicateur peut même pas être au courant de ce qu'il en a de dire. Ni de ce qu'il va dire qui est important. Parce que les gens croient que c'est en disant que je dis, moi, la croix, il a collé son sein, il a tellement souffert. En faisant comme ça, qu'il va faire que ça va toucher les gens. C'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui dispose de la parole qui va pénétrer le cœur de quelqu'un. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Là, maintenant, ton cœur, c'est lui qui le prépare. Acte chapitre 16 nous parle de l'histoire de Lydie qui était parmi les femmes. L'apôtre Paul parlait. On dit, le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie afin qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Tu as vu? Paul a dit de parler ici, qu'ici, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ouvert le cœur de Lydie ici, par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit ouvre, c'est cela, il touche ton cœur. Quand il ouvre le cœur, il se trouve où? Non, suis attentivement. Il dit le cas que je viens de raconter là. Voilà, donc en fait, il faut expliquer aux chrétiens qu'il y a l'œuvre de l'extérieur, il y a l'œuvre de l'intérieur. L'œuvre de l'intérieur commence quand tu es dans le corps. C'est-à-dire quand il travaille de l'intérieur. Avant de travailler de l'intérieur, il a travaillé de l'extérieur pour préparer la place, pour venir entrer. Et quand il entre, tu dois savoir quand il est entré. Tu as compris maintenant ce que je viens de dire, n'est-ce pas? J'espère que c'est bien. Tu as aussi compris, frère. Tu dois savoir, mais comme c'est une œuvre spirituelle, tu ne peux pas définir le jour, genre comme ça. Non, ça. Regarde. Voilà. Acte chapitre 2, quand c'est passé, il savait. Parce que chaque fois, il peut raconter comment ça se passait. Mais tu peux savoir sans connaître. Nous autres, on était chez les musiciens. Non, suis attentivement ce que je viens de dire. Quand l'apôtre Paul était. Quand le Seigneur a saisi l'apôtre Paul en route, il est resté 3 jours sans manger, sans boire. Le Saint-Esprit, le monsieur, comment il s'appelle, Ananias, est venu lui imposer même pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Donc l'apôtre peut raconter ça n'importe quand, il sait exactement le jour où ça s'est passé. Le jour que Corneille et ses familles vont vouloir raconter, ils vont savoir exactement le jour où ça s'est passé. Les gens de Samarie, dans chapitre 8, quand Philippe allait prêcher, parce qu'ils ont attendu, on dit le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Donc quand ils étaient là, ils savaient qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Lorsque les Pierre et Jean sont venus imposer même pour qu'ils soient le Saint-Esprit, la Bible déclare Simon lui-même, le magicien, a cru. Il a vu comment ils étaient baptisés. Donc même Simon peut dire quand ils étaient reçus le Saint. Saint-Esprit. Donc, quand on reçoit Saint-Esprit, on sait exactement. Il n'entre pas comme par cacheterie. C'est ça le témoignage de la Bible. Tu comprends? Donc, il y a une œuvre que le Seigneur fait à l'extérieur. Dieu peut te parler, même audiblement, sans que ce soit en toi. C'est ce que l'Écriture présente. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Dieu peut te parler. Parce qu'il en a parlé, il a parlé à Pharaon. Parler en Égypte. Il a donné le songe partout sans être à l'intérieur. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure que, ok, quand il parlait là, il parlait étant où? Tu as dit à l'intérieur, quand est-ce qu'il est entré? Parce que tu as dit que tu n'es pas le bâtiment saint, comment ça se passe? Le témoin des écritures dit, quand ça se passe, tout le monde sait. Maintenant, voici ce que les apôtres ont eu. Quand ils marchaient avec le Seigneur Jésus, ils faisaient des miracles, non? Avec quel esprit faisaient-ils des miracles? Et ça habitait où? Pardon? Quand le Seigneur était là. Oui, quand le Seigneur. Suis attentivement. Chapitre 22. Allons-y. Luc chapitre 22, verset 31 et 32. Verset 31, nous dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible contre le, comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Ici, allons-y. Luc chapitre 22, verset, suis attentivement. Chapitre 22. Le verset 31 et 32, où est la parole vivante là, pendant que tu joues là-bas? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il sera comment? Converti. Donc quand il marchait avec lui, il était comment? Non, pas païen, il était un juif. Païens, ça veut dire que les gens des autres nations qui sont païens, il n'y a que deux nations, deux groupes. Il y a les juifs et il y a les autres qui sont les païens. Les païens, nous tous, nous sommes les païens. On se comprend, hein? Donc, quand si tu vois quelqu'un qui a dit, regarde-moi le païen, même toi, tu es païen. Tu sais ça, non, ma soeur? Je sais pas, tu m'as pas. Paul était envoyé pour les païens. Donc, Paul était envoyé pour les païens, c'est-à-dire que les autres les nations en dehors des juifs. Comme les païens. En général, aujourd'hui, on parle des païens, pas les non-païens. En fait, c'est un mauvais langage. Parce que nous tous, nous sommes des païens. Mais nous avons été sanctifiés parmi les païens. D'accord? Donc, il n'y a que deux, les juifs et les non-juifs. Les non-juifs sont appelés les païens, quelle que soit la nationalité. Donc, maintenant, ici, l'apôtre, le Seigneur dit, donne une révélation que Satan a réclamé les disciples. Quand, pendant qu'il dit ça, personne ne savait que ce qui se passait dans le spirituel. Que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il ne dit pas qu'il a prié pour tous. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais lorsque tu seras converti, tu as entendu le mot converti, affermis ses frères. Donc quand il parle là, l'apôtre Pierre est converti, oui ou non? À quel moment a-t-il été converti? Non, non, non, c'est elle qui pose la question. Tu es trop forte déjà. C'est quand le Seigneur était. Quand il est revenu, non, après, donc, quand elle est voir, je pense. À quel moment alors? Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. C'est pas ça, non, frère. C'est ça, c'est la Bible, non? Ok. Donc, quand vous allez lire, quand vous allez suivre l'enseignement par conséquence, c'est parce qu'il faut qu'on prie, non seulement pour toi, mais aussi pour toi. Mm-hmm. Lorsque vous allez suivre les enseignements maintenant, on est. On a les adresses, on forme une famille. Si par contre, j'avais un truc sur question réponse quand vous avez parlé du baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si on a parlé, je ne sais pas. Mais il y a les enseignements pour ça spécifiquement. Okay. Donc, ça il dit qu'on va vous envoyer ça sur WhatsApp, sélectionné pour que vous écoutez doucement. Ne soyez pas pressé parce que c'est une histoire de toute une vie. D'accord? Mais ce qu'on retient, c'est que, quand le Saint-Esprit vient, on sait quand. Il faut d'abord que ça soit clair. Donc, il ne vient pas en cachet. Peut-être c'est à moi. On ne peut pas dire, essaie de croire par la foi que tu l'as. L'autre aussi, c'est une certitude. On conclut par 1 Jean chapitre 4. Écoute maintenant ici. Donc on va conclure avec ces deux versets concernant cela. 1 Jean chapitre 4. Hein? Ça, oui, ça. Un Jean chapitre 4, suis attentivement. Verset 13, et puis après on va aller dans Romains 8, verset 9 et 10 encore. C'est le bon verset pour conclure ces genre de choses. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Tu as entendu ce qu'on a dit? Lui ici encore à haute voix. Nous connaissons. Attends, tu entends ça, hein? Regarde, il dit. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Donc c'est quelque chose qu'on doit connaître, oui. Et qu'il demeure en nous. Oui. En ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc, ça veut dire que la question doit être claire. Dieu t'a-t-il donné de son esprit, oui ou non? La réponse doit être répondue. Parce que si tu réponds, ça veut dire que tu sais quand il a donné. C'est ça, non? Alors, il dit que nous connaissons. Pour savoir si tu demeures en lui, la preuve, c'est qu'il t'a donné l'esprit. Et tu dois connaître ça. Tu vois pourquoi il passe le temps à expliquer que quand on a fait comme ça, ceux-ci connaissaient. On a fait comme ça, ceux-ci connaissaient, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre pouvait l'en dire. Mais est-ce qu'il ne le connaissait pas par, à cause de la manifestation justement de l'esprit? Non, c'est pas cela. C'est pas cela. Il dit, ça c'est pas l'autre de l'ex, comme par exemple, ça vient de celui que moi je connais. Lui, il doit savoir que quelque chose s'est passé. Tu peux savoir que tu as l'esprit de Dieu, mais pas forcément le jour particulièrement. Parce que, regarde, je prends le cas. Il y a la bonne personne qui m'a prêché l'évangile. Oui. Est-ce que oui. Je viens d'une famille musulmane. Oui. Je ne connaissais pas même l'esprit qui avait un esprit de Dieu. Pourquoi? Oui. C'est quand il a habité dans mon corps que je. Que attends, mm-hmm. C'est un bon témoignage. Mm-hmm. La chose, c'est ceci. Mm-hmm. Il y a le travail extérieur. Mm-hmm. C'est parce que c'est Dieu qui attire. Non, est-ce que moi, je ne sais pas comment il a fait. Non, si attentivement, il comprend. Je suis en t'expliquer l'évangile. Mm-hmm. Si tu dis ton expérience maintenant, c'est conforme. Mm-hmm. Je t'explique ce que la Bible dit. Mm-hmm. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il a les voies et moyens. Parce que Jésus a dit que personne ne peut venir sur le pain de l'attire. Il a donc différentes façons d'attirer. Mm-hmm. D'accord? Mm-hmm. Quand on attire, c'est pour attirer attention vers Jésus. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il t'a dit tout à l'heure qu'il y a l'œuvre extérieure que le Saint-Esprit fait. Et l'œuvre intérieure. Il y a des gens, tu deviens chrétien, vous aurez remarqué que vous êtes au milieu chrétien. Vous allez voir que quelqu'un parmi au milieu chrétien continue à mentir. Ou t'as confessé Jésus-Christ. Et il parle même dans cette langue-là. D'autres encore, ils disent que j'étais menteur. Mais depuis que je suis ici, je ne mens plus, je ne sais pas comment ça s'est passé. L'œuvre du Saint-Esprit en train de travailler dans celle-ci, ça n'est pas travailler dans ce même domaine-là, dans l'autre personne. Mais ce n'est pas parce que la personne se ne ment plus que ça veut dire que comme je ne ment plus, le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a l'œuvre du nettoyage qui fait même de l'extérieur. Vous suivez, hein? Romains chapitre 8. Tu es né dans quel mois? Donc tu serais ton anniversaire de sang comme moi, quoi. Dans ta première naissance, tu connais le mois. Et ta nouvelle, alors. Bon, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 9 et 10. Ma soeur, écoute, mets tes oreilles par ici. Hein. Mm-hmm. 9 et 10. Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre propre nature, mais par l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps devrait être mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Donc ici, encore une fois, l'apôtre Paul met l'emphase sur le fait que l'esprit doit habiter à quelqu'un pour que quelque chose se manifeste. Il dit du moins l'esprit. Dans ce cas, quelqu'un va dire, comment dois-je savoir que ça habite en moi? Jean a dit, nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure. Ici, c'est le tabernacle, venez habiter. En ce qu'il nous a donné de son esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit donc dans Colossiens chapitre 1, verset 27, Christ en vous l'espérance de la gloire. Mais partant sur ce principe-là, est-ce que là, dans Romains 8, il n'est pas en train d'expliquer justement que nous savons que l'esprit demeure en nous parce que nous ne marchons plus par la chair, nous ne marchons pas par l'esprit, nous accomplissons les désirs de l'esprit. Parce que celui qui marche par l'esprit accomplit les désirs de l'esprit. Cite-moi un désir de l'esprit. Donc par là, il sait que l'esprit habite en nous. Cite-moi un peu dans l'exemple des désirs de la chair, par exemple. On dit par exemple la masturbation. 1 Corinthiens chapitre 5, voir. 1 Corinthiens chapitre 5, ouf. 1 Corinthiens chapitre 5. On va dire verset 1. On entend généralement dire qu'il y a des immoralités sexuelles parmi les hommes. Stop. On dit ça à qui? Aux Corinthiens. Ils ont baptisé le Saint-Esprit. La Bible ne le dit pas. Non, la Bible le dit. Qu'ils ont reçu le baptême. Oui. Le baptême, merci. Dans le chapitre 3. Rentre au chapitre 3. Lis le verset 16 et 17. Lis, frère. Savez-vous pas? Comment tu ris encore? Non, j'ai ri en fait pas à cause des versets que tu retiens ce temps. Ah. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Regarde-moi. Tu as suivi qu'on a dit non? Mm. Par contre, non, chapitre 5. Lis encore le verset 1. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Parmi les qui? Les Corinthiens. Qui ont reçu l'esprit? Ils ont le Saint-Esprit. Ah frère là. Non. En fait, ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est que Paul s'adresse à une assemblée. Oui, dans l'assemblée, comme on a lu le verset dans Romains tout de suite, il a dit si du moins l'esprit habite en vous. Non, j'arrive. Je sais pourquoi ils sont dit comme ça là. Mm. En fait, le problème, c'est que tu allais dire que si quelqu'un a le Saint-Esprit. C'est que ça se reconnaît parce qu'il ne vit pas selon la chair, selon les œuvres là-bas. Mmh. le problème n'est pas que la manifestation. Nous sommes en train de traiter du fait que quelqu'un doit être ce qu'il a reçu. Parce que les bouddhistes, les autres religions font ce qu'on appelle la cèse pour ne pas accomplir. Tu ne dois pas le voir dans les dérèglements que les autres ont fait. Mais pourtant, c'est par leur propre technique. Il y a des gens dans les religions orientales qui ont la maîtrise de soi. Les gens, les francs-maçons, vous pouvez voir sur un plateau de télévision. Vous voyez les parterres, comment ils s'agitent. Ils s'agitent jusqu'à ce qu'ils ont la sueur. Le franc-maçon est calme. Il le titille, il attaque, on l'insulte, mais il est calme, on savait sa veste. Parce qu'il a reçu la technique pour se maîtriser. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que vous voyez un plateau de télévision, il y a un pasteur, un imam, un rosicrucien, un franc-maçon. Ils sont là calmes. Les francs-maçons sont calmes avec le rosicrucien. Et le pasteur s'agit au point où il a la sueur partout. Et on l'insulte en disant que tu n'as pas le Saint-Esprit, te donne, tu vas voir, tu vois. Il dit que j'ai le Saint-Esprit. Mais la personne qui n'a rien à voir le Saint-Esprit est calme. C'est pour dire que quoi? La forme extérieure, on peut imiter. Tu vois, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a dû mettre l'accent sur du fait que, à partir de là, c'est au Romains 8. Il dit que si le Saint-Esprit vient en vous, ça va vous pousser donc à ne pas vivre d'après la chair. Mais ce que je viens de dire ici, c'est que c'est nous qui avons reçu le Saint-Esprit qui devons vérifier à quel moment on a vérifié, d'après la Bible. Donc, mais maintenant, la Bible nous enseigne donc qu'on peut avoir reçu le Saint-Esprit et par suite de l'enseignement, on vit dans le péché sans s'en rendre compte. C'est donc pour ça qu'il dit ici dès le départ que même si tu es enfant de Dieu, même si tu vis dans l'égarement, Dieu va toujours envoyer le message pour te corriger. Et tu vas toujours te corriger. Et voilà le message qui était en train d'aller vers eux pour les corriger. Il dit, on entend dire parmi vous qu'il y a de l'impurité. Une impurité au point où ça ne disait même pas chez les païens. C'est au point où quelqu'un a la femme de son père. Pourtant, avoir la femme de son père, c'était la déchéance dans l'Ancien Testament. Quand Rubé a couché avec la femme de son père, le droit de premier-né lui a été enlevé pour donner à Joseph. N'est-ce pas? Voilà. Alors, au chapitre 7 de 2 Corinthiens, la personne à qui ça concernait s'est repentie. Parce qu'il n'est pas l'enseignement, ils avaient le Saint-Esprit, il n'est pas l'enseignant pour les faire grandir. Mais frère, tu es en train de dire en fait qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Non, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Ok, d'après ce que tu interprètes, je ne parle pas là. Non, la Bible dit. Non, parce que moi ma compréhension est différente. Bon, je veux que tu prouves qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Bah, la preuve, ils n'étaient pas dérangés par ce qu'ils faisaient. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre dans le péché et ne pas être attristé si tu as l'Esprit en toi. Attends. On commence à partir du verset 1. Au verset 1, là, du chapitre 1, il dit ça de ça qui? Il parle aux Corinthiens. L'assemblée. À qui il allait s'adresser au don? Parce qu'il y avait un problème avec le don spirituel là-bas. C'est parce qu'il se dérangeait avec le don spirituel. C'était à qui? Au Christ. Qui avait le don spirituel? Comment on va avec le don spirituel? On se fait les deux sans le Saint-Esprit. Bah, parce que là, d'après ce que moi je comprends, en tout cas. Ils ont le Saint-Esprit, c'est des chrétiens. Mais si on dit. Bon, effectivement, on dit ils ont le Saint-Esprit. Et tu dis non, Paul a envoyé. L'apôtre s'est trompé parce que c'est lui qui les a implantés. Hein. C'est lui, il a pris presque 2 ans là-bas à leur frère. Il connaissait. À partir du. Il connaissait qu'il y avait le Saint-Esprit. Mais normalement, le Saint-Esprit est venu convaincre des péchés. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas prendre la femme de votre père? Un autre cas simple. Dans le passé, tu as vu que dans le passé, tu dois de l'argent à des personnes. Plein de personnes. Tu as reçu le Seigneur. Tu es baptisé dans l'esprit. Tu vis 1 an, 2 ans, 3 ans. Un jour. Le Saint-Esprit. Tu as vécu 3 ans. Un jour, tu entends un enseignement. On te parle de la restitution. Que tu dois restituer l'argent que tu avais pris chez les personnes. Et pourtant, tu as vécu pendant ce temps-là avec l'Esprit du Seigneur, mais tu n'avais pas encore eu la révélation qu'il fallait que tu restitues. Frère, parce que il faut comprendre non, chose. Si tu dis non, ça, non, attends, bon, laissons voir ce qu'il dit. Parce que si tu dis ça, ça veut dire que dès que tu crois, tu dois tout savoir. Oui, bon, il y a des choses que tu peux ne pas savoir non, et que l'Esprit du Seigneur ne te fait pas savoir parce qu'il a prévu peut-être un temps pour toi. Ce que tu dis, je dis amen. Effectivement, il y a un temps où avec le Seigneur, la croissance, elle est. Mais ici, on parle d'immoralité sexuelle. Tu pèches contre le temple de Dieu. Oui. Tu vis dans le péché, donc tu ne peux pas pécher contre le temple du Saint-Esprit, ne pas déranger. Attends. Parce que vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu. Attends, ouais. Rentrons au chapitre 3. Ok. Corinthiens, non? Oui. Chapitre 3. Hein. Livre verset 17. Verset 17 dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc il dit, et c'est ce que vous êtes. Donc ils savaient qu'ils sont le temple de Dieu. Et là, verset 16, il dit que le Saint-Esprit de Dieu habite en eux. Alors chapitre 6. Chapitre 6, hein? Verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur et un seul esprit avec lui. Fuit l'immoralité sexuelle. Il dit à qui? Il parle à celui qui est uni avec le Seigneur. Non. Regarde, il parle aux chrétiens. Verset chrétien, parce qu'en fait, la lettre, il y a des aux chrétiens. Maintenant, après, il va expliquer. Allons-y. Jusqu'au verset 20 maintenant. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que... Tu as bien suivi. Qui est en vous. Donc, la personne qui a de s'adresser, il a de lui être s'adresser parce que le Saint-Esprit est en eux. Donc, il a dit à plusieurs fois depuis le chapitre 1, parce qu'il l'écrivait pour corriger le désordre qui s'y trouvait. Donc, tu peux avoir le Saint-Esprit continuer dans la fornication tant qu'il n'y a pas l'enseignement pour te régler. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, c'est ça la différence entre ceux qui doivent périr et ceux qui ne doivent pas périr. C'est que Dieu va toujours te corriger, ça que tu sois ou pas. Voilà la différence. Donc, quelqu'un peut avoir l'Esprit de Dieu. Non, ce n'est pas automatique. Parce que ceci n'était pas dérangé. Parce que tu ne peux pas dire. Il y a on va dans le livre de Galates, vous allez voir encore une fois plus. Le Saint-Esprit a le moment marqué qui commence à attirer ton attention là-dessus. Si l'apôtre Paul n'avait pas écrit pour les corriger, parce qu'il savait effectivement, c'est pour ça que l'apôtre Paul a été dupe avec eux. Parce qu'ils avaient non seulement le problème, chaque lettre qu'ils avaient écrit au chapitre 17, il va dire que ce qui concerne les choses dont on m'avait écrit, quand ils avaient des questionnements qui se posaient, peut-être dans le Saint-Esprit. Mais l'autorité pour l'enseignement, parce que Dieu avait un but pour cela. Dieu permet que ces désordres se posent parce qu'au courant des siècles, les désordres devaient se poser. Et que chaque fois quand les désordres devaient se poser, au courant des siècles, comme aujourd'hui, que ce soit ça qui corrige. Parce que c'était les fondations qui montaient. C'est pour ça que Dieu ne leur donnait pas totalement cela. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, personne ne peut même pousser à habiter sous la loi. Parce que je sais d'ailleurs, effectivement, que la loi est comme ça. La loi est comme ça. Oh, eux, ils n'avaient pas la Bible. Eux, ils n'avaient pas les écritures qu'ils lisaient chaque fois. Ils étaient comme ça. On est venu pour pouvoir la prêcher. Je veux que le Saint-Esprit descendu. L'apôtre Paul est parti. Par derrière, ils n'ont rien qu'ils lisent. Donc, les lettres ont commencé à faire maintenant pour que ça serve d'enseignement. Donc, Dieu a permis ça pour l'église initiale pour cela. Maintenant, lorsque ceux-ci donc commencent à prêcher, ça fait le temps que l'église commence à recevoir des instructions de la part du Seigneur. Comment marcher dans l'église. Alors, chapitre 3 de Galates. Galates, chapitre 3. À partir du verset 1. Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné, vous vous n'indécis plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ est édité comme crucifié. Tu vois effectivement comment c'est que l'anglais s'adresse au Galates. Il dit que vous aux yeux, il dit que qui vous a fasciné. Dans l'autre version, on dit qui vous a ensorcelé. Continuons. Il dit voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Oui. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant l'évangile? Tu vois que ceux à qui il a dit de parler ainsi ont reçu l'esprit en écoutant l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul a dû lui dire. Continuons. Celui qui... Manquez-vous à ce point de bon sens après avoir commencé par l'esprit et là vous maintenant finir par vos propres forces. Tu as vu, donc sans enseignement, les gars se devaient rentrer encore sous la loi, mais tôt ou tard l'esprit devait les corriger. Maintenant, verset 19 dit quoi? Chapitre 4, verset 19. Chapitre 4, verset 19. Mes enfants, j'éprouve de nouveau le douleur et l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qu'est-ce que veut dire Christ soit formé en vous? Qu'est-ce qu'il veut dire? Jusqu'à ce qu'il grandisse spirituellement. Ah ah! Donc, il n'avait pas atteint la maturité, mais le même Saint-Esprit que l'apôtre Paul a, qui lui permet d'opérer les miracles, qui lui permet de comprendre ce grand mystère, le même Saint-Esprit était en eux, mais il n'avait pas encore atteint la maturité de saisir certaines choses. Par conséquent, il pouvait. Regardez très attentivement, voilà les enfants qui sont des jeux, ils font les bruits là-bas. L'esprit de cet enfant-ci, son âme ne grandira jamais, son esprit ne grandira jamais. Tu sais ça, mon frère? Oui, ça, je sais. Donc, c'est sa chair ce qui est petit. Parce que sous le soleil, tout en un temps, il y a un progrès pour cela. C'est pour ça qu'il peut voir des choses maintenant, mais il ne peut pas dire parce que sa chair l'empêche de parler. Mais quand il va grandir, son esprit, il sera maintenant accoutumé avec les choses de ce monde-ci. Mais son esprit ne grandit pas avec son corps. Parce que l'esprit ne grandit pas comme avec la métamorphose de notre chair. On se comprend? C'est exactement comme ça. Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, c'est le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne grandit pas comme un enfant. C'est nous qui ne grandissons pas en sa maturité. Mais dans le même point qu'il est là, et c'est lui qui utilise tous ces mécanismes-là pour que tu arrives à l'endroit qui a été prévu pour toi. Mais ça ne veut pas dire que, comme celui-là vivait dans le péché, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Quand celui-là ferait telle chose, il n'avait pas le Saint-Esprit parce que c'est plein dans la Bible que tu vois comme ça. L'apôtre Pierre lui-même, qui écrit les évangiles, après le baptême du Saint-Esprit, vivait dans l'hypocrisie. Lorsque le Saint-Esprit a donné la correction directement, il s'est rangé. Donc, aucun des enfants qui vivent avec le... Voici la chose. Pour voir quelqu'un qui vit avec un autre esprit en dehors de l'esprit de vérité, parce que la Bible appelle le Saint-Esprit l'esprit de vérité. Je prends un cas, par exemple, quelqu'un dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Tu dis, frère, l'Écriture dit que Jésus-Christ est Dieu. Si c'est le Saint-Esprit qui a remis ça à l'Écriture de Dieu, le Saint-Esprit qui est en lui, peux-tu confesser que Jésus n'est pas Dieu, frère? Et il dit que le Saint-Esprit lui a révélé que, Saint-Esprit, que Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à son Saint-Esprit? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il a demandé la Bible. Est-ce que de toute la Bible qu'on a lue là, oui, est-ce qu'il y a un seul endroit où il y a un péché, où Dieu a menacé que si tu pêches comme ça, voilà, tu vas, je te fais ça? Où il y a une sanction? Oui, une sanction immédiate. Oui. Lesquelles? L'idolâtrie. Mais sous le Nouveau Testament, le Seigneur, justement, avec le, comment on dirait ça, le sang de Jésus-Christ, on peut tous commettre l'idolâtrie. Ça ne sera pas juste prosterner forcément devant une statue. Oui. L'idolâtrie, ça peut être sa femme, ça peut être ses enfants, ça peut être son travail, ça peut être toute chose. Oui. Est-ce que là, il y a une sanction immédiate quand tu idolâtres, par exemple, quand tu idolâtres par rapport à ton travail? Non. Tu as dit que, est-ce qu'il y a une écriture, par exemple, qui dit que s'il y a une sanction, il y a un statut immédiat. Il lui des représailles. Oui. Parce que Dieu a dit qu'il ne pardonnera point les péchés par rapport à cela. Il dit que c'est à celui-là qui va effacer dans le livre. D'accord. Mais pour ce qui est des Nouveaux Testaments maintenant, le Nouveau Testament, Dieu. Fait de telle enseigne que si tu as commis le péché, je vais prendre l'exemple. Il y a beaucoup de gens dans le cadre, dans le corps, qui par exemple, quelqu'un qui a commis le péché par un sexe, comme il a déjà dit que fuyez l'immortalité sexuelle, si tu ne fuis pas, quand l'ascension par exemple de la grossesse vient, tu vas vivre avec les conséquences de cela. Mais ça ne t'éloignera pas du Seigneur. C'est parce que là, dans la partie, moi je te pose cette question pour revenir un point en fait. Oui. Je sais que de tous les péchés qu'on peut commettre, mensonge, vol et toutes ces choses-là, il y a un péché que Dieu ne pardonnera pas. Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Celui qui pêche contre le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Non, non, là, il pardonne toujours. Il a dit que ce corps sera détruit, qu'on amènera cette personne à la destruction. Non, non, ce n'est pas la personne, c'est le corps qui est détruit. Ouais, c'est le corps qui est détruit. Absolument. Voilà. Je veux dire justement que l'immoralité sexuelle, c'est une faute que Dieu condamne. Il tape quoi direct. Non, attention, regarde, suis attentivement. Nous avons lu 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens chapitre 6. Non, c'est autre chose. Par rapport à l'immoralité sexuelle, parce que tu pêches contre le temple. Suis attentivement. Le corps ne t'appartient pas, il appartient à Christ. Non, attends, suis. Je vais corriger quelque chose là, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, on a lu deux passages qui parlent de deux choses différentes. Dans 1 Corinthiens 3, il a dit que celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Ça, dans ce cas, dans le cas de 1 Corinthiens chapitre 3, il ne parlait pas de l'immoralité sexuelle. C'est dans l'immoralité sexuelle est donnée dans le chapitre 6 de 1 Corinthiens, en parlant de l'union, en expliquant que lorsqu'on parle à l'immoralité sexuelle, ça touche les trois dimensions du corps humain. D'accord? Mais ce n'est pas dans ce cas-là qu'il a dit qu'il va détruire le temple. Donc, c'est dans le chapitre 6, là, au verset 19 et 20, il a dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Mais c'est dans le chapitre 3 de 1 Corinthiens qu'il a dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Donc, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, donc si il met le maquillage sur ça. J'ai fait le maquillage. Je prends la cigarette du feu pour détruire ceci. Dieu détruit là, d'accord? C'est ça qu'il a entendu parler là maintenant. Ce n'est pas par rapport à l'immoralité sexuelle. Maintenant, en somme, on résume que malgré que le Saint-Esprit soit là, malgré on peut être dans un endroit où on n'enseigne pas des choses vraies, parce qu'en fait, il y a un enseignement en Christ pour le dépouillement par rapport à la vieille nature. Si tu n'es pas dans un endroit où tu vas grandir comme ça, alors tu peux continuer à vivre dans la chair comme ceux de Corinthiens. Ce n'est pas d'enseignement. Ils ont commencé à vivre comme ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 12, la Bible déclare que cela a produit, au verset 9, il dit que cela a produit une repentance. Ça les a attristés pour la repentance. Et l'apôtre Paul dit qu'il ne s'arrête pas par rapport à cela. D'accord? Donc maintenant, tous ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, même s'ils vivent dans le péché, Dieu les corrige. Même dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, à partir de là, on va commencer à voir que l'église d'Éphèse avait des tâches au milieu d'eux. De telle façon que l'apôtre Paul dit que l'immoralité, c'est que la mérite. Qu'aucune jalousie, quoi que ce soit, ne soit même pas nommée au milieu de vous, ainsi qu'on vient à des saints. Donc, ça veut dire qu'au milieu des saints, les gens commencent à faire des petites choses. Il a dit qu'il décrit ça pour corriger, pour qu'on soit saints de façon grande. C'est pour ça qu'au chapitre 6, il va passer avec eux au niveau des combats spirituels, qu'on appelle combats spirituels, parce qu'eux, ils étaient avec dans un niveau de maturité, au point où ils pouvaient maintenant commencer à comprendre les choses célestes. Mais ceux qui vivaient encore dans la chair, il fallait qu'on règle le problème d'héritage, on règle le problème de commérage, on règle le problème aussi, parce qu'ils étaient au niveau de la chair. D'accord? Mais en somme, si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et qu'il n'est pas enseigné pour grandir, il peut commettre les choses que les autres personnes aussi commettent. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Mais dès le départ, on appelle ça nouvelle naissance. Et quand il y a une nouvelle naissance, c'est par rapport à l'ancienne naissance. Et l'ancienne naissance, on connaît quelle est la date de naissance. Bonne soirée.